Vous êtes assez fou. 80. Le blanc d'aujourd'hui à Assemblage requis. Alex Marchand sera avec nous pour discuter des événements de la GEQTR. Et on mangera nos émotions dans notre traditionnelle chronique quasi gastronomique, une grosse pointe d'adresse. Assemblage requis commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce jeudi 27 octobre 2016. On est à 182 jours de la fin d'année scolaire. Je m'appelle Mathieu Plantin. Et moi, Tania Bourdin. Allô, Tania. Bon matin. Pour la première fois cette semaine, il y a quelque chose avant nous. Oui, c'est vrai. On n'a pas eu de panne aujourd'hui. Non. Faut le dire le plus souvent possible, mais lundi, mardi et mercredi, on n'avait rien devant nous. Non, malheureusement, il y avait quelques problèmes électriques, panne de courant. Tout ça qui se produisait ici au studio ou dans le département, on sait pas trop. On se demande si c'est réglé, peut-être que ça l'est pas, je sais peut-être pas. Peut-être que ça l'est pas, on sait pas, on va arriver peut-être lundi, puis il y aura pas de radio non plus. Peut-être. L'idée, c'est que ça plante vers les 3h du matin depuis le début de la semaine. Exactement. Et c'est un mystère irrésolu. On va mettre quelqu'un là-dessus, les journalistes du Zone Campus vont enquêter. Oui, oh, tout oui. à fait. Donc aujourd'hui l'émission, Tania, on va avoir la chronique de la GEQTR à 8h avec Alex Marchand. On va parler de ce qui s'est passé dans le passé, de ce qui va se passer dans le futur. En fait, on va parler du sommet sur le développement durable qui a eu lieu en fin de semaine passée. On va parler du CA de la GE en fin de semaine et de la manifestation contre la culture du viol qui s'en vient mardi prochain. Donc ça se passe à 8h dans la chronique de la GEQTR. Plus tard dans l'émission, on va aussi avoir une grosse pointe d'adresse. On va goûter à quelque chose de sucré parce que c'est le mois thématique de l'Halloween. C'est pas un bonbon cette fois-ci, par contre, mais c'est ah sucré. Non, OK. Et ça pourrait être le fun à recevoir dans une petite citrouille. OK. Moi, en tout cas, j'en accepterais volontiers. Une tartine de beurre de peanut. Oh, hey, ma barre est si basse que ça. Je prends n'importe quoi des peanuts. Des peanuts. Peut-être dans le fond de mon sac. Ah, t'as-tu remarqué? En plus, il y a comme une folie maintenant. C'est que tu peux mettre une citrouille bleue en avant de chez toi pour dire que tu vas avoir des bonbons sans allergie à l'Halloween. Arrête, mon enfant. À donner, ça. Ouais. C'est une drôle d'idée, j'aime ça. Ouais, sans aucune allergie, là, comme genre aucune. Ouais, c'est ça, comme de l'air. Pas d'amandes, pas de peanuts. Mais pas, les pommes, par contre, hein? Le gluten, hein, Si t'es rendu là, pose pour l'Halloween. Pose pour l'Halloween. Dans quelques instants, ça va être Tania Isgana et Jenny. Qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Bien, je vais faire le retour sur ce qui a attiré mon attention dans l'actualité. Oh, la traditionnelle chronique du jeudi. OK, on aime oui. Ça. Donc, c'est dans quelques instants, mais ça va avoir une pièce de The Louis sur la première sur le fun. C'est une nouvelle entrée. Voici Says You à Assemblage requis. After language we wept. Province anglophone par The Lugas, Says You, à Assemblage Requis. On sait qu'il reste pas grand-chose d'autre dans la chanson, sauf ça, pendant 30 secondes encore. Hey, c'est comme une chanson de casino, tu trouves pas? Oui, oui, oui. On dirait qu'on joue à la slot machine. Tu, ouais, tu me l'as fait remarquer, il y a comme des petits sons de casino, ouais, en arrière. Las Vegas, ça te rappelle les souvenirs, oh, de tes aventures, boy, Las Vegasiennes. Oh que oui. Voilà. Tiens, parlant de tes expériences, c'est un peu ça. Tu vas nous parler de ce que tu as vécu quand tu as lu des articles d'actualité. Fait que t'as rien vécu, mais t'as vécu via les nouvelles du moment. Oui. C'est Tania is gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania! Oh, oh, she's gonna entertain ya! Pas aujourd'hui, pas aujourd'hui! Il y a des jours où ça va mieux que d'autres. Là, ouais, je perds ma voix, on est rendu jeudi. C'est comme ça. Hein, c'est l'impro, c'est le Mathieu Plante Show, c'est 4 jours d'assemblage requis. C'est difficile. C'est comme ça. Bref, je m'excuse pour ma voix et aujourd'hui, on parle de nouvelles, donc c'est ce qu'on appelle le segment ce qui a retenu. Tenez attention, oui, exactement. je vais vous parler, en fait, de pas nécessairement ce qui a fait la grosse une, mais vraiment ce qui a retenu mon attention dans l'actualité. Donc, par exemple, sur les sites de nouvelles, que ce soit La Presse, Huffington Post, Les Affaires, Le Droit, Le Devoir, blablabla, peu importe. Ce qui a retenu mon attention, qui n'était pas nécessairement des grosses nouvelles qu'on entendait, par exemple, dans les téléjournaux en fin, ouais, de journée. C'est un peu comme le nouvelliste a fait, puis tu mets une fausse une par-dessus ta une avec une pub de concessionnaire de char. Oui, c'est ça. Mais ça, dans le fond, c'est une publicité. Puis là, quand tu l'ouvres, t'as la vraie une. C'est ça. C'est traître, ça. Ouais, je sais. Ouais. C'est pas une publicité de char, Mathieu. Non. C'est une publicité de magasin de meubles. Ah oui, pour vrai. T'as pas remarqué? Non. OK. Ouais. Excuse-moi. C'est correct, je, ouais, te pardonne. On va commencer localement, ici même, en Mauricie. Un article du Nouvelliste qui m'a fait quand même pas nécessairement beaucoup réagir, mais bien évidemment, je me suis sentie interpellée parce qu'on parle de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Ouais. Récemment, on a remis un dossier financier de l'Université du Québec à Trois-Rivières devant le conseil d'administration de l'établissement ici, c'est-à-dire le résultat de l'exercice financier 2015-2016. Ouf. Et on parle d'un résultat financier qu'on espérait quand même avoir ici du côté de l'UQTR. Par contre, ça reste dans un des plus élevés du réseau des universités du Québec. Alors, on parle d'un déficit de fonctionnement de 10 491 958 $, soit 400 000 $ de moins que ce qu'on prévoyait pour l'administration de l'UQTR. Alors, de ce côté-là, c'est bon, tu sais, nous, on sauve 400 000 $ sur un déficit. Par contre, on est encore dans les plus élevés dans l'ensemble du réseau universitaire. On le sait, l'université a quand même un bon passé de déficit. Ouais. Ça n'a pas très bien été l'année passée. Non, c'est exactement. La situation du déficit du budget de fonctionnement s'est améliorée. C'est du fait que l'UQTR a payé moins de masse salariale en 2015-2016. Parce qu'on sacrait du monde dehors. Exactement. Ouais. On se souvient, on a licencié des gens. On a aussi demandé à certaines personnes si ça leur convenait qu'on réduise leur salaire pour conserver notre emploi. Ouais. Exactement. Bien de la cause, aider l'UQTR. Il y a eu des postes non renouvelés, des gens qui ont pris leur retraite, qui n'ont pas été remplacés, des trucs comme ça. Exactement. Mais de l'autre côté, on fait des laboratoires. Ouais, mais ça, c'est une autre, non, enveloppe. Non, je sais. Exactement. C'est des départements différents. Et c'est ce que je crois que certaines personnes ont de la difficulté à comprendre. C'est que, par exemple, cet été, il y avait beaucoup de chantiers de construction, ouais, ici à l'UQTR. On a fait beaucoup d'aménagements. Ça ne vient pas des mêmes départements. C'est il ça. Faut comprendre que, comme tu le dis, Mathieu, ça ne vient pas des mêmes enveloppes. Donc, de ce côté-là, si on demande des masses salariales plus petites à nos employés, mais qu'on fait quand même des travaux, c'est pas nécessairement le même chèque qui va y passer. Ouais, ça vient pas de la même place. Exactement. Ouais. C'est sûr que ça vient, bien évidemment, ajouter au déficit de l'université, mais c'est pas le même département. Donc, ça se mélange pas. Ouais. C'est pas la même guerre, c'est pas la même bataille. On peut pas nécessairement... Ça fait les jaloux quand même, là. Ben, sûr. C'est ça. Tu sais, il faut comparer des pommes avec des pommes, c'est comme ça. Ils disent, et non pas des pommes avec des oranges. Puis ça, c'est un petit peu la même chose. C'est que les deux enveloppes sont totalement différentes. Mais Daniel McMahon, qui est le nouveau recteur de l'Université du Québec à Trois-Rivières, se montre malgré tout assez optimiste face à son objectif qui est d'atteindre l'équilibre budgétaire d'ici la fin de son premier mandat. Oh, wow. Il estime que les chiffres qui ont été dévoilés lundi représentent un pas vers la bonne direction. Mm-hmm. 400 000 de moins, c'est déjà un bon début. C'est sûr qu'on est dans les plus élevés, mais pour nous, ici même, à l'UQTR, c'est bon après un... bon nombre d'années où on était vraiment dans le gros déficit. Faut dire aussi que Daniel McMahon vient juste d'arriver, c'est exact. Récent. Donc l'année financière comprend son prédécesseur. Pas le choix. Pas le choix. Quand on prend un titre comme ça, il faut qu'on ramasse les miettes de l'autre. Hein? Et c'est un petit peu ce qui se passe du côté de Daniel McMahon. Mais je pense qu'il fait un bon travail. On le voit dans plusieurs événements qui est présenté par l'UQTR. Ouais. Tu sais, c'est un recteur qui est présent. Au microbrasserie, il était là. Oui, ben oui. Il est partout. Les dirigeants de C'est fou, disons, campus, une photo avec lui. Oui, qui ont trinqué sur la page Facebook en couverture. Exactement. C'est fou, 89 FM sur Facebook. Tout à fait. Donc, il y a eu des coupes assez importantes, comme on vient de l'expliquer à l'UQTR, qui ont été imposées par le gouvernement dans le réseau des universités québécoises. Donc ça, c'est quelque chose qui a joué un rôle très important un petit peu partout, pas simplement ici à l'UQTR. Nous, ici, localement, on pense que c'est juste nous à l'UQTR, mais ça se passe un petit peu partout, que ce soit l'UQAM, que ce soit, je sais pas moi, l'UQAR, il y en a d'autres, là, des universités du Québec. Donc ça s'est passé un petit peu dans la grandeur du réseau, mais nous, c'est sûr qu'on voyait juste l'UQTR parce que c'est ici localement. Mais Québec a demandé à l'UQTR de lui soumettre un plan de redressement afin de justement déterminer par quels moyens on entend résorber son fameux déficit. Et le plan n'a toujours pas encore été adopté. Ça devrait être retravaillé. Mais on pense que ça serait un plan de redressement auquel on a demandé un réinvestissement du gouvernement. Et ça, c'est ce qu'a raconté le recteur et l'ancien président et chef de la direction de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec. Donc, il y en a déjà manipulé de l'argent, des gros montants comme ça. Alors, il dit que ça fait partie des hypothèses qu'ils ont posées. Et bien évidemment, l'UQTR espère que dans le prochain budget du gouvernement provincial, il va y avoir quelque chose pour les universités, donc régionales. Et en l'occurrence, ça serait aussi porté vers l'UQTR parce qu'on est calculé simplement comme... on est calculé comme une université régionale qui reçoit peut-être un petit peu moins d'argent que des grosses universités comme l'UQAM, par exemple. On a juste 10, 12, 13 000 étudiants. C'est quand même pas tant que ça comparé exactement. À Montréal. Exactement. Donc, d'avoir réussi quand même à garder un déficit qui était moindre comparé à l'année dernière, pour nous, c'est déjà un très bon pas vers peut-être de prochaines solutions. Ouais. Sortir la tête de l'eau un peu. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Encore ici en Mauricie, Mathieu, on a déjà parlé du DG Hub à Shawinigan, ben oui. Qui est un endroit où il y a plusieurs, pas commerçants, mais plusieurs entreprises qui peuvent se travailler. Des startups technologiques, surtout. Exactement, startups technologiques. On parle d'un avenir des musées. Le DG Hub est venu à la rescousse. C'est comme Octobre, ça, la rescousse. Même chose. Le DG Hub est venu à la rescousse de plusieurs musées. Comment est-ce que ça fonctionne? Bien, c'est que l'avenir des musées passe, lui aussi, par le développement d'une plateforme numérique à un certain point. Donc, au moment où plusieurs de ces attractions, dont le Musée québécois de culture populaire ici à Trois-Rivières, cherchent des nouvelles stratégies de financement et de rayonnement, c'est assez difficile d'attirer l'attention des gens pour qu'on aille visiter un musée. Est-ce que la dernière fois, tu as visité un musée? Au primaire. Exactement. Ouais. Tu sais, je pense que la dernière fois que j'ai... Tu sais, j'ai même pas été visiter Borealis encore. Non, moi non plus. Puis c'est calculé comme un musée. Oui. Les trucs locaux, on va pas vraiment voir ça parce qu'on n'est pas des touristes. Exactement. Ouais. Donc, du côté des musées au Québec, on cherche des nouvelles stratégies de financement, de rayonnement. Et c'est sur quoi se penche le DG Hub de Shawinigan qui lance officiellement le premier de ses 4 pôles qui va être spécifiquement dédié au milieu des musées. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est que l'annonce a été réalisée lundi après-midi. Il y avait plusieurs intervenants politiques, économiques et tout ça. Il y avait entre autres la présidente et directrice générale de Virtualis. Cette entreprise a été identifiée comme la leader des 11 premiers membres du pôle spécialisé en muséologie et patrimoine numérique, qui est maintenant connu sous l'appellation Cléo aussi. Donc, des premiers travaux sont déjà amorcés avec le Musée des sciences et technologies d'Ottawa. Ça peut être des expositions, des applications mobiles, des jeux. On parle de faire tout ça de façon numérique pour justement attirer l'œil des plus jeunes qui sont habitués d'être soit sur Internet, soit sur nos tablettes, à la maison. On pourrait avoir cette option-là de pouvoir visiter un musée de façon numérique maintenant. Et en ce moment, bien, c'est vraiment le numérique qui bouscule pratiquement tous les domaines, que ce soit la santé, que ce soit la lecture. Hier, je faisais allusion à la bibliothèque du Cap de la Madeleine avec ma mère parce qu'on a passé devant. C'est exactement pareil comme la dernière fois où j'y suis allée. Puis la dernière fois, j'ai mis les pieds dans une bibliothèque. Ici même, à Trois-Rivières, je devais comme avoir 11 ans. Ah oui? T'es pas là, celle de l'UQTR? J'ai été une fois à la salle de l'UQTR, mais je ne suis pas rentrée pour aller visiter ou quoi que ce soit. J'ai fait mes travaux, je suis partie. Il faut différencier entre visiter un endroit et y mettre les pieds. Comme, mettons, Borealis, tantôt, j'y ai mis les pieds. C'était pour un match d'impro. J'ai pas visité exactement. Le musée, non, c'est ça. Nous, on parle de visiter quelque chose. Donc... se faire, pour apprendre des choses, pour se faire dire. Oui, exactement. Donc, le numérique rentre dans tout ça. Et si on n'embarque pas dans cette fameuse, je ne veux pas dire mode, mais plutôt ère du vague, numérique. Ouais. Ouais, vague, locomotive un petit peu. Et on va passer notre tour, ça risque d'être encore plus difficile plus tard. On le sait, on demande à certaines générations de s'adapter. Il y a plusieurs personnes qui s'adaptent aussi, les générations plus âgées, par exemple. Ils font ça super bien. Donc, apparemment que nos cousins français seraient beaucoup plus avancés sur le plan du numérique en termes de musées. Il y aurait déjà une plus grande ouverture du côté de l'Europe pour ce qui est de visiter des musées sur, de façon numérique, par exemple. Alors, on va travailler avec eux. On va avoir des entreprises françaises comme partenariat et ça va nous permettre aussi de nous ouvrir sur un nouveau marché qui va comprendre l'innovation qui s'est faite là-bas, qu'on pourrait même amener ici au Québec et au Canada. Je trouve ça vraiment cool, en fait, parce que ça ouvre d'autres portes. Ça fait pas... C'est sûr que de pouvoir se déplacer, de dire « Ah, je suis allée au musée » au lieu de dire « J'ai regardé le musée » ou C'est pas pareil, l'odeur de musée, pas pouvoir toucher, mais au moins voir la dimension, la profondeur des toiles ou des... Oui, exactement. C'est pas pareil à l'écran. C'est ça qui fait la différence. Est-ce que ça va être du numérique 3D? Bien, sûrement plus la réalité virtuelle qui va être plus... probablement, mais j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir arriver à faire avec tout ça. Puis pendant ce temps-là, j'essaierai de retourner au musée. c'est ça. Commence par aller voir le DJ Hub puis faire un petit tour dans la glissade. Ah oui, mon Dieu, je vais aller. Le public, peux-tu aller là? Non. Je suis sûre que tu peux comme te présenter puis demander de juste aller glisser. Parce qu'il y a vraiment une belle grosse glissade pour le deuxième étage jusqu'au premier, c'est génial. C'est, je sais pas, Mathieu, on va s'informer. Oui, pour aller ensemble. Puis pour pouvoir aller glisser dans la glissade du DJ Hub, voilà. La SAQ a fait parler. La SAQ va probablement faire parler encore aujourd'hui aux nouvelles. Sur les prix, Oui, la SAQ va réduire ses prix au niveau de ceux de la LCBO en Ontario. Okay. Donc, pour ceux qui ne savent pas nécessairement qu'est-ce que la LCBO, c'est pareil comme une SAQ, mais où on y vend bière. Tu sais, c'est vraiment le liquor store de l'Ontario. Eux, ils n'ont pas de SAQ. Nous, ici, c'est la société, société des alcools du Québec. Ouais. Le C veut dire quoi? Okay. Donc, tu as sûrement liquor. Oui. Sûrement cognac. Beer. Non, je sais pas. Ouais. Ah, c'est Liquor Control Board of Ontario. C'est plate, la Régie des alcools de l'Ontario. Tu parles non poche. Moi, je suis sûre que c'est plus hot que ça. Mais oui, je suis sûre qu'il y avait liquor. Ben, moi, avec. Oh, c'est triste, c'est triste. Dommage. Mais on lance un mouvement qui va se poursuivre sur 3 ans et c'est ça qu'on essaie de mettre de l'avant. C'est une bonne nouvelle, Mathieu. Il va y avoir plus de 1600 bouteilles qui vont être réduites. On parle de certaines bouteilles qui sont aux alentours d'une quinzaine de dollars pour le moment. Et selon plusieurs estimations, l'écart du prix des bouteilles de vin de l'Ontario versus ici au Québec est de 1 à 3 dollars sur certaines bouteilles qui sont vendues actuellement entre 10 et 20 dollars. Pour la même bouteille, en Ontario, elle va te coûter comme jusqu'à 3 $ de moins, mais ici, ça va coûter plus cher. Donc, avec un prix moyen de 15 $ la bouteille, c'est un écart de 7 à 14 % qu'on constate entre le Québec puis l'Ontario. Donc, la SAQ a décidé de mettre l'avant cette nouvelle, quasiment, réforme-là de baisser les prix pour la SAQ. Mais c'est des prix qui sont... c'est des alcools qui sont originaires de l'Ontario? Et je peux pas te dire. Parce que est-ce que ça veut dire qu'il va falloir acheter des bières, des alcools canadiens? Non, je pense pas. OK. Je pense pas. C'est vraiment des que ce soit des importations ou peu importe, c'est le prix des bouteilles aux alentours de 15 $ qui vont changer. Okay. C'est vraiment le prix qui est ciblé. Alors, quand on parle des vins autour de 15 $ on a une majoration qui est plus importante que sur le groupe de produits qu'on maximisait la performance à travers ça. C'est le gros volume qui se trouve là. Il y a plus de bouteilles aux alentours de 15 $ qu'il y en a, par exemple, aux alentours de, je sais pas moi, une dizaine de dollars. C'est pourquoi on a décidé les bouteilles à 15 $ Mais c'est aussi sur ceux-là qu'on voyait la plus grande écart entre l'Ontario et le Québec. Et la majoration, soit l'écart entre le prix d'acquisition pour la SAQ et le prix de vente, va baisser beaucoup plus rapidement dans ce type de produit. Et à ce moment-là, on va réduire l'écart ou on va faire baisser les prix, justement. Et pourquoi est-ce qu'on est arrivé à pouvoir dire « OK, on peut baisser nos prix? » Tu sais, la fameuse carte Inspire que la SAQ t'offre si tu veux, le... Celle dont tout le monde riait parce que ça donne pas grand-chose. Ben, ça donne pas grand-chose. C'est un petit peu grâce à elle qu'on peut réduire les prix présentement. Oui, parce qu'en gestion, on offre justement cette fameuse petite carte Inspire où on ouvre le numérique, le web, la mobilité, puis tout ça. On arrive à changer l'expérience au point de vente. Ce qui fait que on on a beaucoup plus de dynamique du côté de l'échange avec le client. La dégustation est beaucoup plus permissive à ce moment-là lorsqu'on arrive en SAQ et on a une dynamique de l'échange. On peut se permettre de réduire la quantité tout en ayant une expérience intéressante pour ceux qui ont la carte Inspire. Mais avec tout ça aussi, c'est au total 1,7 million de clients qui utilisent cette carte-là, où on peut justement avoir des rabais sur des produits qu'on achète assez souvent. Je sais pas moi si t'es un fanatique de galop, mettons. Okay. Puis tu vas à la SAQ tout le temps acheter le même vin, bien à un certain point, ils vont t'offrir des points sur cette bouteille-là, sur ces produits-là de type galop, parce qu'ils vont voir ton historique, un petit peu comme la carte métro où on va t'envoyer. Exactement. Ouais. Donc, c'est 1,7 million de clients qui ont la carte et qui est utilisée dans 65 % des transactions financières. C'est un travail au chapitre de l'efficacité de la productivité, ce qui permet à la SAQ de pouvoir réduire ses prix et de baisser la majoration sur chaque bouteille. Donc, on va voir une grosse réduction de prix sur les bouteilles à 15 $, mais aussi, on devrait voir une petite réduction un petit peu partout au travers de la SAQ. Alors, c'est le temps d'aller magasiner, mesdames et messieurs. Les gens boivent donc bien. Oui, je sais, hein. Je sais pas ça. Mais... C'est rare que j'achète de la Québec est endetté. Fait que qu'est-ce que tu fais quand t'es endetté? Tu bois. Tu bois tes émotions. Je sais pas. Mais ça, c'est la seule solution. C'est pas vrai. C'est pas la seule solution, c'est mais... C'est la tienne. Hein? Non. Wow. Si tu dis là, dis pas n'importe quoi. Mathieu, on l'a dit à plusieurs reprises ici, C'est fou a eu peut-être quelques complications au courant de l'été. Ouais. On n'est pas les seuls. C'est une première chute pour les revenus de la radio et de la télé au Canada. Pour la première fois depuis 10 ans, probablement même de l'histoire, les revenus de radiodiffusion ont chuté en 2015 au Canada. C'est ce qu'a rapporté le rapport de surveillance des communications de 2016 qui a été fait par le CRTC. Donc, les stations de radio, les chaînes de télé, les câbles distributeurs ont tous vu leurs revenus baisser dans un contexte où les plateformes numériques, encore une fois, évidemment, attirent de plus en plus. Donc, au Canada, c'est une baisse de 1,6%. Au Québec, apparemment, c'est une hausse de 0,2%. Mm-hmm. Et en Ontario, on parle d'une baisse de 4,4%. C'est beaucoup. Donc, à 17,9 milliards, les revenus combinés des stations de radio privées, des télévisions traditionnelles, des services de télévision sur demande de la SRC et des fournisseurs d'abonnements de télé par câble, par exemple, l'IP, satellite, ont tous baissé pour la première fois depuis au moins 2006. Donc, la première année pour laquelle les données sont disponibles dans les rapports diffusés par le CRTC sur son site Internet, ils étaient de 18,2 milliards en 2014. Là, on est à 17,9. Mais l'Ontario est responsable de l'essentiel de la baisse, apparemment. C'est une baisse d'abonnés, une baisse de revenus. Les gens se désabonnent de tout ce qui est, par exemple... télévision. C'est tellement cher, c'est normal. Exactement. Quand tu peux avoir tout le contenu du monde sur Netflix pour 10 $ par mois, là, payer 150 $ pour un câble distributeur, c'est un peu difficile à avaler. Oui, c'est vrai. Puis, il y a comme deux réalités présentement qui se passent au Canada. C'est la part des Canadiens francophones qui regardent la télévision uniquement en ligne est restée stable à 4 % en 2015. Et chez les anglophones, elle est passée à 10 %. Mm-hmm. Donc, on voit quand même un très gros écart. Et au Québec, le pourcentage d'abonnés est passé de 15 à 23 %. Là aussi, c'est un gros pourcentage. Donc, c'est environ la moitié des moyennes nationales de 33 à 41% qui a passé simplement dans le changement justement d'air numérique et tout ce qui se fait écouter en ligne comparé à ce qu'on écoutait soit à la télévision ou en ondes dans notre voiture. Tu sais, tout ce qui est Spotify, maintenant tu peux l'avoir directement dans ta radio, dans ta voiture. Ouais. Alors de ce côté-là, c'est la même chose. C'est si tu n'écoutes pas la station de radio qui joue, tu vas écouter Spotify, mais c'est comme si tu te désabonnais en quelque sorte parce que tu te mets pas en ligne à la station. Donc, t'es pas calculé comme étant en ligne. Moi, c'est ça. Ben, selon les sondages, évidemment, là, les people meter, les trucs où tu sais, le petit gadget que tu portes pour entendre les stations de radio pour savoir, pour pouvoir calculer ça. Puis il y en a qui remplissent encore des petits cahiers papier. Là. Donc, en tant que tel, c'est leur faute à ces gens-là qui écoutent plus la radio. Tout à fait. Parce qu'il y en a plein du monde qui écoute la radio, mais ils sont pas des gens qui participent à ces sondages. Non, c'est vrai, bien souvent. Ou les gens vont tout simplement refuser de faire le sondage, mais ils écoutent la télévision, ils écoutent la radio, mais du moment que la personne va dire sondage au téléphone, ça va que clou. Non. Ah non, on avait besoin de toi. Où es-tu parti? du côté technologique, Mathieu, j'imagine que tu sais, Apple vit des résultats mitigés présentement ouais. par rapport aux ventes d'iPhone. Apple Watch, ça va pas très bien pour l'Apple Watch. Oui, qui ont encore reculé selon le dernier trimestre qui était en septembre. Donc, on parle de plusieurs personnes qui a écoulé 45,5 millions d'iPhones entre début juillet. Fin septembre, c'est un quatrième trimestre de son exercice qui est décalé, ce qui représente 5 % de moins qu'un an plus tôt. Ouais, mais qui arrête de faire le même iPhone chaque année avec un nouveau chiffre, puis ça va être le fun de l'acheter. T'sais. Pour mais vrai, arrêtez de changer d'iPhone aux trois mois, je sais pas. Non, il change une fois par année d'iPhone, sauf que l'iPhone 6 et le 6S, j'ai changé. Moi, j'avais le 6 Plus et j'ai passé, je passais au 6S Plus. Mm-hmm. La différence est vraiment minuscule. Et là, le 7 qui vient de sortir, c'est à peine mieux. Tout reste pareil, il faut innover un peu. Aujourd'hui, en passant, le 27 octobre, c'est là qu'on va dévoiler le nouveau MacBook. Oui. Et autres trucs comme ça, à une conférence qui va avoir lieu en après-midi. C'est à 13h de l'Est, je crois. C'est 10h du matin, donc ça fait bien ça, oui, 13h de l'Est. Donc on va surveiller ça. Mais nouveau, j'imagine, MacBook, peut-être un nouvel Apple TV, quelque chose ouais. comme ça. On va voir. Mais tout ça a engendré quand même le fait que l'action d'Apple à la bourse de New York baisse présentement. Ouais. On a baissé de 2% avec tout ça. Par contre, on pense que les ventes du iPhone 7 vont faire en sorte que ça va réégaliser ouais. les choses un petit peu. Ça va aller mieux l'année prochaine. J'ai hâte de voir. Ouais, je sais pas. On dirait que, sérieusement, arrêtez de sortir des téléphones aux trois mois, peut-être que vous allez garder vos ventes. Là. Ouais, je sais pas. Côté mais tech. Pour vrai, un par année, je trouve ça correct, moi. C'est Android qui en sort aux trois mois. En tout cas, c'est ça. Côté technologique encore, il y a Microsoft qui cherche à rivaliser avec Apple chez les créatifs professionnels. Donc, c'est le Microsoft qui se positionne pour rivaliser avec les Mac Pro, les iMac d'Apple, à son tour avec un tout premier ordinateur de bureau qui a été dévoilé hier. Un appareil haut de gamme qui va être très coûteux, mais qui est conçu plus particulièrement pour les dessinateurs, les artistes et les créatifs professionnels. Donc, par exemple, ceux qui font des effets spéciaux pour les films, puis tout ça, c'est un ordinateur qui pourrait être utilisé. Ceux qui font les bandes dessinées, des trucs comme ça. Oui, exactement. Donc, le groupe informatique américain a aussi annoncé une version qui va être améliorée de son ordinateur portable Surface Book, et une mise à jour de son système d'exploitation qui est Windows 10, là, qui met, entre autres, sur la 3D. Donc, on va avoir Windows 10 façon 3D pour, justement, ce nouvel ordinateur-là. Paint. Tu peux avoir, tu vas pouvoir faire des sphères dans Paint. Ça, non, ouais. C'est dans Mayotte. Le nouvel ordinateur de bureau qui s'appelle Surface Studio au lieu de Surface Book a un très grand écran tactile à haute résolution de 28 pouces de diagonale, donc 71 cm, qui peut s'incliner jusqu'à 20 degrés. Donc, ça va vraiment être pour les gens qui travaillent toujours sur une espèce de grande plaquette pour dessiner. Les architectes, peut-être, vont pouvoir utiliser cet ordinateur-là. Donc, il peut s'utiliser avec un stylet numérique, avec un petit disque d'aluminium qui va être fourni avec l'ordinateur, qui se pose sur l'écran et qui permet, par exemple, de changer la couleur avec laquelle on dessine sans avoir à lever le stylet de l'écran. Ça, c'est comme full high-tech. Oh, moi, ça me cool, fait penser à Star Trek quand les écrans levaient. Mais j'ai hâte de voir à quel point est-ce que ça va être un coûteux, parce qu'on l'a déjà dit, là, ça va être cher. Donc, à quel point est-ce que ça va être cher? Surtout que s'ils disent que leur objectif est de battre le Mac Pro, qui est un ordinateur professionnel pour Pixar et autres, et qui coûte 3 000 $ à US et plus, ça pourrait coûter cher aussi. C'est vrai. On va voir. Brièvement, Mathieu, j'ai deux dernières petites nouvelles pour vous. On parle d'un grand retour de la location en 2017. Hein? Quand je parle de location, je parle pas nécessairement de location de voiture ou quoi que ce soit. Je parle de location d'appartement, location de maison. On parle plus nécessairement d'acheter. On avait comme une ère où les gens étaient justement beaucoup plus acheteurs que loueurs. Mais là, non, on retourne au locatif. Alors, c'est un rapport de Emerging Trends in Real Estate qui a été publié hier par PwC, qui confirme que les stocks de copropriété se résorbent. Donc, ça baisse. Ça baisse, c'est ça. C'est comme ça. Que les taux d'inoccupation des bureaux restent assez élevés, qu'il y a des espaces qui sont consacrés au commerce de détail qui souffrent. Même chose du côté des appartements. Ici aussi, au Québec, comme au Canada, on peut le voir, il y a beaucoup moins d'appartements qui sont loués. Les gens ont de la difficulté à louer leurs appartements dans les dernières années. Mais là, ça devrait recommencer à revenir. Ça doit être parce que tout le monde est en dette. Ouais. Donc, à l'heure actuelle, le Québec est de loin la province canadienne où l'on dénombre le plus grand parc immobilier dédié au logement locatif. C'est ici qu'on trouve le plus grand nombre d'appartements, près de 811 000 unités au total qui sont vides présentement. Vides. Des chats de Goussia. C'est ça. Peut-être. C'est loin quand même devant l'Ontario. On parle de quasiment 200 000 unités de différence. Les États-Unis. L'Ontario est à 668 000 unités. Donc, c'est environ 40 % du total canadien que la belle province que nous sommes compte 23 % de la population du pays en taux d'inhabitation des appartements qu'on a. Eh ben, pendant que tu parlais, j'ai regardé juste très rapidement le prix de... Ça serait notre faute en passant la génération Y. Les maudits milléniaux. Ouais. Surface Studio, 3 000 $ américains. Fait que j'étais pas mal dedans. J'étais proche. Ouais. Ouais. Et en terminant, on parle d'une nouvelle qui a été quasiment un sondage, beaucoup plus qu'une nouvelle annoncée de façon sérieuse. On parle de peut-être interdire le cellulaire en marché. En marchant. C'est une idée qui plaît aux Canadiens beaucoup, surtout aux Québécois apparemment. C'est d'après le sondage, 35 % des personnes qui ont été interrogées appuient fortement le règlement et 31 % les appuient quelque peu. Ça va être assez difficile de pouvoir interdire marchant. Mais c'est quelque chose qui arrive vraiment fréquemment. Combien de fois vous avez failli frapper quelqu'un parce qu'il regardait son cellulaire et il regardait pas où il allait? Moi, je suis pas capable physiquement de marcher et texter en même temps, fait que je m'arrête. Pour vrai? Ouais, je te jure. Ça, c'est parce que t'es un gars. je suis sûre que tu poses la question aux filles versus les gars. Les filles doivent beaucoup plus être capables de le faire que les gars. C'est un autre sondage elles à faire. Elles doivent être responsables de beaucoup plus d'accidents. Bon. Tu penses? C'est une blague, c'est super misogyne, c'est une blague, là. Je pense pas vraiment comme ça. Mais si elles sont plus capables de texter en marchant, automatiquement, c'est sûr que c'est eux qui sont plus en cause. Ouais, c'est ça. Faudrait savoir. Mais ce qui est important de savoir, c'est que les deux tiers des Canadiens soutiennent l'idée d'une réglementation municipale interdisant aux piétons d'utiliser un cellulaire en marchant. C'est un sondage qui a été fait en ligne par la firme Insight West. Et la législation s'appliquerait essentiellement aux piétons qui parlent au téléphone, qui consultent Internet ou qui envoient des textos en traversant la rue. Donc, il y aurait comme une espèce de règle là, par rapport à tout ça qui ferait que si on te pogne en train de parler au téléphone, en train de traverser, je sais pas moi, Hard des Forges, ça va peut-être te faire coller une amende. Mais ça me surprend que ce soit pas déjà le cas parce que c'est clairement pas correct de faire ça. Je sais, c'est pas correct. Tu regardes pas où tu vas dans ce temps-là. C'est complètement dangereux. Ouais. Mais bon. Et... c'est ce qui me fait à ma chronique. Ah, oh, Tania, t'as le don de trouver des nouvelles, toi. C'était bon, ça. On fait ce petit bulletin-là de tout ce qui attire Tania attention les jeudis matins d'Ensemble à Joaquim. Mais la chronique Tania is gonna entertain you tous les matins de semaine. Merci, Tania. Ça fait plaisir. Autour de la pause, la chronique de la GEQTR. Toujours à Assemblage Requis en ce jeudi 27 octobre 2016. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Oui. On l'a fait attendre un petit peu, mais crime, ça vaut la peine parce qu'après ça, on est comme full au courant de ce qui se passe à la GEQTR parce qu'entre deux chroniques, on n'a aucune idée de ce qui se passe à zéro. On ne sait pas. Zéro. Pourtant, ils mettent des affiches chez eux. Non, c'est vrai. On ferme les yeux à ça, je pense. On attend après Alex Marchand. Donc, le voici avec la chronique de la GEQTR. AGEQTR, AGEQTR, peu importe ton âge, tu t'en vas à la GEQTR parce que la GEQTR, ça n'a pas d'âge. Yo! Yo! Pro, pro! Salut Alex Marchand! Salut, vous deux, ça va bien? Ça va très bien. Bien. Ça va? Ouais? T'as pris des notes là, pendant qu'on parlait, là. T'as l'air vraiment. Ah, oh, j'ai mon affaire. Vraiment. Donc, on commence aujourd'hui parce que s'est passé pas mal de choses. La semaine passée, c'était un petit peu plus mollo, tu disais? Oui, ben c'était encore un peu mollo, mais il y a des activités qui s'en viennent. La semaine prochaine, ça commence en force, hein? C'est l'Halloween, veux pas. Ça devrait être férié, ça. Hein? On a à peu près 4 parties organisées sur le campus en plus, ça va être malade. Ouais, des parties. Ah ouais. On en parlera tantôt, c'est ça? C'est qu'on va faire? Oui. Donc, on va commencer avec. Non! C'est un secret, genre. On va commencer avec le sommet sur le développement durable dans fin de semaine passée. Ben oui. En fait, on est allé, moi et la vice-présidence aux affaires associatives et à l'environnement, donc on parle ici de Michael Saint-Pierre. On est allé à Sherbrooke en fin de semaine pour vous représenter puis entendre parler de plein de beaux concepts de développement durable. C'est organisé par la FIRST, qui est la Fédération des étudiants de l'Université de Sherbrooke. En fait, il y a trois sujets qui ont été abordés durant ces conférences-là. La première étant l'économie sociale. Donc, on parle ici d'entreprises qui adoptent des formes juridiques qui leur permettent de réinvestir dans leur mission beaucoup, ce qui fait en sorte que ces entreprises-là ne sont pas nécessairement obsédées par le profit, mais plus par faire une différence dans la communauté puis pouvoir réinvestir les profits qu'ils vont générer dans leur cause. Une OSBF, hein? Entre autres, un peu comme si Fusion Campus. Les coopératives aussi peuvent rentrer dans ce genre de forme juridique-là. Sauf que nous, on n'a pas de revenus. Non, mais on n'est pas supposé faire de revenus. Si on fait des revenus, il faut les réinvestir. On réinvestit pas les rageaux. C'est ça, exactement. Donc, il a abordé beaucoup le sujet de ce genre d'entreprise-là. Puis lui représentait, en fait, une association d'entreprises d'économie sociale. Donc, c'était vraiment intéressant pour cette conférence-là. Ensuite, il y a quelqu'un qui est venu nous parler d'alimentation durable. Donc, tu sais, l'alimentation un petit peu plus végétarienne parce que la viande, ça donne le cancer. Puis parce que la surpêche, ben, c'est mauvais pour les océans. Ça l'éteint des espèces. Donc, tu sais, il y avait beaucoup d'aspects alentour de ça. Sinon, il y en a un autre qui est venu nous parler d'éco-citoyenneté. L'éco-citoyenneté étant un citoyen qui va faire ce qu'il faut pour que les choses changent autour de lui. Donc, il y avait plusieurs trucs, plusieurs comment schématiser en fait un changement de société qu'on veut produire en fait. Puis c'est comment faire en sorte qu'il y a quelque chose qui change. C'est, par exemple, cibler les acteurs qui ont un pouvoir sur la décision, cibler ceux qui ont une influence sur cet acteur-là, puis ensuite commencer à travailler dans le fond dans le sens. D'essayer de convaincre ces gens-là qu'il y a quelque chose qui doit changer, en fait. L'acteur, c'est Tom Hanks. C'est Tom Hanks. Oui, exactement. Ouais. Tom Hanks, c'est la clé à tout. Vraiment. Puis Nicolas Cage, parce qu'il peut se transformer, là. Ah, ouais, c'est vrai. J'ai oublié, lui. C'est pas mal tout pour le séminaire développement durable. Il y avait trois conférenciers, c'était malgré tout très intéressant. Puis aussi, on nous a parlé d'une espèce d'association, des associations étudiantes de la province, en fait, de développement durable. C'est un sujet qui a été abordé. Il n'y aurait pas de cotisation à verser, mais c'est juste une espèce de force de lobby où on réunirait toutes nos forces ensemble pour faire avancer la planète. Fait que j'ai hâte de voir comment est-ce que ça va durer. Ben, je comme si ça va fonctionner. Star Wars. C'est bien ce que j'ai dit. Qu'est-ce que ça voulait dire? C'est la force. C'est la force. Utilise la force. Okay. Donc, c'est cool, ça. C'était le sommet sur le développement durable. Oui, exactement. Ensuite, le CA de la GE, est-ce que ça avait lieu en fin de semaine passée ou ça a lieu en fin de semaine? En fin de semaine. En fin de semaine. Les administrateurs vont être réunis autour de la table pour discuter de plusieurs sujets. En fait, on change un peu la façon de faire, là, tu sais, on est un nouveau CX, mais ça fait 6 mois qu'on est là, mais on change un peu les trucs, on va commencer par la fin. Il y a DJ maintenant, c'est ça? Exactement. Ouais. Il y a des lumières qu'on a fait installer dans la salle de classe, on se réunit, puis là, on fait le party en prenant des décisions, vous allez voir, c'est malade, venez nous voir. Ça dure juste 3-4 heures. Attends, il faut expliquer quelque chose, par exemple, tu viens de dire CA et CX. Oui, c'est vrai, excusez-moi, je l'ai pas expliqué la dernière fois quand j'ai expliqué, c'est vrai ça. Le CX étant le conseil exécutif. Okay. Il y a 9 personnes qui vous représentent, pour qui vous avez voté ou vous allez pouvoir voter si vous êtes nouveau en avril. Donc, c'est les personnes qui vont vous représenter durant toute l'année scolaire. Donc, un mandat de 1 an complet. Sauf ceux qui démissionnent. Ouais, c'est ça. Ouais. Les administrateurs sont des représentants d'associations départementales. Donc, si par exemple, vous êtes en biomède, vous allez avoir un représentant sur le CA. En administration, vous allez en avoir 2 parce que sont 1800 en administration. Fait qu'on donne un admin supplémentaire. Ah, c'est donc, gentil. Ouais. C'est générosité. T'as été pas obligé de gérer. Fait que c'est ça, on est au total, je pense, 32 administrateurs plus 9 officiers, donc officiers étant les exécutants que je parlais un peu plus tôt. Ben ça me fait un CA de 40 personnes puis des décisions qui prennent 10 heures à prendre. Donc, quand je dis 3-4 heures, ça finit à 3-4 heures du matin des fois. Ouais, c'était vieux de style. Ouais. Commencer plus tôt, ça te tente pas de commencer à midi, mettons, finissant à 9 heures. Ben on est déjà commencé à 15 heures. Quand on a des CX avec des affaires de 24 points à 40 personnes pour prendre la décision, on essaie de commencer un peu plus tôt, finit quand même à 2h du matin malgré tout, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Là. Mais c'est ça, plus t'as de place, plus tu prends de la place. Hein. C'est comme un appartement, c'est comme n'importe quoi. Ah oui, effectivement. 24 heures dans une journée, t'en fais ce que tu veux. Et voilà. Oui, c'est certain. Donc, c'est ça, finalement. On commence par la fin, en fait. On va commencer par le point élection en premier, qui est toujours le dernier. Après ça, on va parler des états financiers, des rapports d'officiers. Donc ça, c'est nous, en fait, en tant qu'officiers, à chaque mois, on a produit un rapport qui fait état de comment que nos projets ont avancé, c'est quoi les dossiers ponctuels, c'est qui qu'on a rencontré. Donc, pour que les administrateurs puis vos représentants, en fait, puissent s'assurer qu'on fait du bon travail, en fait. C'est vraiment ça, le but de ces rapports-là. Vous avez changé l'idée, dans le fond. À la place de remettre des rapports, vous avez fait un concours de rote. Oui, exactement. C'est ça, on change tout ça. Oui. Donc, celui qui rote le plus fort a la plus grosse bourse mensuelle. Mon secondaire va m'avoir servi enfin. Donc, ensuite, ça va être les points découlants. Je les énumérer rapidement. Ça va pas être super long, on en a pas tant que ça. Donc, on va revenir sur les... En fait, juste pour faire le topo, là, le point découlant, c'est juste des points informatifs. Il y a pas de décision qui se prenne là-dessus. C'est vraiment juste des points qui vont avoir... l'information qui va être apportée aux administrateurs. Donc, on a ici, premièrement, le camp des administrateurs qui va être abordé. Donc, ça, c'est un camp où tous les administrateurs vont se réunir pour apprendre comment devenir le bon petit administrateur. Se construire une bâtisse pour essayer de pouvoir survivre. Exact. C'est ça. Comme Gilligan et ses amis. Exactement. Donc, avec pour abattre un arbre, premièrement, ensuite... Faire une radio et des coconuts aussi. Oui, exactement. Ouais. Donc, ça, ça va être pris en charge par notre secrétaire général, Jimmy Lacourse, qui va, entre autres, nous pousser dans le derrière pour qu'on fasse nos formations à temps, parce qu'on est tous débordés. En fait, après ça, on va réaborder le show de la rentrée. Le prochain? Non. Pas celui qui vient d'avoir. Il y a un peu des deux. OK. Parce qu'il y avait un petit retour à faire. Ensuite, 5 à 7 des cycles supérieurs va être réabordé, en fait, parce que ça a eu lieu il n'y a pas très longtemps. Ouais. Le camp des associations aussi. L'association nationale, où on est allé il y a 2 semaines, va être réabordée aussi pour savoir faire des mises à jour. En fait, c'est beaucoup des mises à jour sur ces dossiers-là. Sinon, le Tribune libre aussi, le prochain puis le dernier, il va avoir un retour là-dessus. Le Tribune libre étant des conférences sur des sujets un peu plus sociopolitiques. Donc, les gens peuvent poser des questions à la personne des fois. Oui, exactement. Ouais. Bon, ça, c'est super intéressant. Le dernier qui a eu lieu, c'était sur les oléoducs et le projet de loi 106, qui est un projet de loi qui va être assez, assez spécial. Ben, tu sais, pas dans le positif, là. Non, parce que ça va légiférer sur les hydrocarbures, puis ça va redonner, en fait, le droit aux compagnies pétrolières d'opérer, en fait, sur les hydrocarbures, alors qu'il y a une espèce de moratoire qui avait été imposé, mais qui n'est pas vraiment là, de ce qu'on a entendu. C'était pas super clair. Mais bon, on va revenir sur le match d'ouverture des Patriotes, ainsi que sur les portes ouvertes du pavé. Donc, on a fait tirer les prix. Il y a eu 3 gagnants. Et franchement, ils étaient tous en ergothérapie. Ils étaient présents. Ils étaient là. Ouais, c'est ça. Au moins, ils étaient là, eux autres. Hein? Ouais. Si vous n'êtes pas contents, les autres, allez-y. Faites votre job. Oui, exact. Ensuite, il y a les nouveaux points qui sont les derniers points l'autre jour, qui habituellement sont les premiers, en fait. Donc, c'est là le petit bout de funky. Funky, c'est relatif là, pour l'AGE, mais quand même. C'est vrai, le funky n'est pas très, très funky. C'est assez procédural malgré tout, le funky, mais bon. Donc, ici, on a la CRE en premier qu'on va aborder. La CRE étant la commission de rémunération sur les... Alors, je ne sais pas exactement l'acronyme, là, mais c'est pour la rémunération ou la... La compensation. En et éducation. Ça a été dur de retrouver ce mot-là. C'est correct, c'est jeudi matin. Parce qu'en fait, la CRE n'est pas encore décidé s'ils veulent la compensation ou la rémunération des stages. Ça fait 2 ans que c'est créé, puis ils ne se sont comme pas encore décidés là-dessus. Fait qu'on essaye de trouver comment que ça va pouvoir fonctionner dans le futur, mais on va en discuter autour de la table en CA, puis on va prendre des décisions par rapport à ça. On va aussi prendre des décisions par rapport à des nouvelles positions sociopolitiques. Aussi, l'ouverture de postes de manière permanente de la halte garderie. Présentement, c'est quelqu'un qui doit... Parce qu'on doit faire une ouverture de poste qu'on affiche 10 jours. Puis après ça, ben il y a des entrevues qui sont passées. Fait que ça prend à peu près 3 semaines avant de combler un poste. Mais si quelqu'un démissionne et dit, par exemple, je te donne pas mes 2 semaines de préavis, ben ça met l'aide responsable de la halte garderie dans la chenoute. Mm. Fait que c'est juste pour faire en sorte que le processus soit un peu plus flexible puis qu'on puisse réagir plus rapidement si jamais il y a besoin d'embaucher pour la halte garderie. C'est quelque chose qui est déjà le cas pour la chaise garderie, donc on essaie de rééquilibrer ici. Avec Jonathan Cossette, la halte garderie, voilà, il y a quand même une bosse qui est, elle, permanente. Là. Oui, exactement. Okay, c'est ce que c'est là-dessus pour aller garder des enfants? Pas avec la phrase que je viens de faire là, je pense que ça donne une mauvaise éducation. L'halte garderie. Sinon, il va y avoir le point cuisine froide de la chaise galerie. Je peux pas vous donner plus de détails pour l'instant tant que les administrateurs n'ont pas pris de décision parce que je pourrais, si jamais ça passe pas, je pourrais me gourer. Donc, à la place d'avoir peut-être le panetier puis de la marmiteuse, on aurait la chaise galerie. Et la chaise galerie. Oh, wow. Ou le bûcheron. Oui. Ensuite, c'est le point agenda 2017-2018. Donc, le concours des agendas est déjà ouvert. D'ailleurs, si vous avez des talents de dessinateur, de monteur, photo, envoyez ça à notre adjointe administrative, José Mailloux. Mm-hmm. Ça va lui faire plaisir de vous recevoir. Sinon, le point élection du DGE de l'AGEQTR, parce que oui, on a des élections qui s'en viennent. Et le DGE étant le directeur général des élections. Exactement. Ouais. Donc, quelqu'un qui va mettre un peu de cadre autour des élections qui sont quand même assez complexes. Je vous dirais que l'année dernière, ça a été un beau festival de... On sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Là. Ouais, c'était un peu confus. Hein? Ouais, mais il y a comme eu... Les élections ont été 2 semaines plus tard, donc... Fallu recommencer au début, en fait. Oui, exactement. Ouais. Il a fallu recommencer du début, puis ça a retardé le processus de 2 semaines. Fait qu'en gros, j'ai eu 2 semaines de transition pour la présidence en fin de session. Fait qu'en bref, la transition, je sais... pas vraiment eu de transition, ouais. Mais comme je suis arrivé dans mes bottines, puis j'ai continué. Là. T'as appris sur le tas. Oui, exactement. Ouais. Mais ça fait du bien, par exemple. Ça m'a permis de voir les choses autrement. Genre. Mais on va dire que ça va aller mieux l'année prochaine. Oui, oui, j'espère. Oui. Évidemment. Ensuite, le point planification stratégique, ça, c'est mon point à moi. Je suis en train de faire une planification stratégique quinquennale, donc sur 5 ans. Donc, on veut savoir comment qu'on veut positionner le GEQTR. Qu'est-ce qu'on veut que le GEQTR ait l'air dans 5 ans? Je suis en train de travailler sur un questionnaire présentement. Je vais aller faire des tournées de cafétéria. Je vais envoyer des trucs par. Ils vont avoir un email généralisé, puis après ça, je vais essayer de mobiliser les gens pour qu'ils répondent au sondage. J'espère avoir au-dessus de 1000, entre 1000 et 2000 en fait, réponses pour avoir des données qui sont vraiment probantes, puis qu'on peut savoir qu'est-ce que les étudiants de l'EQTR veulent. Est-ce que c'est plus élevé que le nombre de votes aux élections de la GE? Oui. Ouais. Ouais, fait que c'est ambitieux. C'est ambitieux. Parce qu'on l'a dit tantôt, quoi, entre 12 et 13 000 environ étudiants en tout à l'EQTR? Ben en fait, si on compte leur campus, c'est 14 000, sauf que la GEQTR représente seulement les étudiants sur le campus. Voilà. Donc on parle de 10 500 étudiants. Ah, OK, OK. Bon. Donc quand même, 1000 personnes, ça devrait pas être difficile. Bon, on a 10%. Va à CAF à midi et demi, tu devrais les avoir. Ouais, bah ouais, je pense que oui. Hey, c'est toi, une parenthèse, on aime ça, les parenthèses à l'assemblage requis. Sais-tu pourquoi c'est écrit sur des pancartes à la cafétéria qu'on n'a pas le droit à des livres et des sacs à dos entre telle heure et telle heure? Tout le monde a ce livre, c'est ça, oh oui, je sais, ça, c'est parce que la cafétéria se sont rendu compte que les gens qui étudiaient empêchaient les gens qui avaient des cabarets de manger. Durant les heures de dîner puis de souper, ils ont décidé de mettre le monde dehors pour qu'ils puissent pas étudier, pour que le monde qui veut manger puisse manger, puis après ça, les gens peuvent vraiment. Mais c'est fonctionnel, c'est parce que j'ai jamais vu personne. Tu fais quoi? Tu reçois une amende, genre? Ouais. Non, pas nécessairement. C'est juste que quelqu'un vous invite à quitter si vous voulez pas consommer, en fait. Là. Fait que, souvent, aller vous acheter une salade ou un petit. J'ai jamais vu personne se faire sacrer dehors pour ça. Ben, ça doit être parce qu'ils mangent. Ils doivent manger en même temps. Un petit yogourt. Oui. Ouais. Ouais. Ouais, peut-être. C'est spécial. Ça mais ils ont quand même suivi nos intentions, Mathieu. Ils ont enlevé une table pour faire plus d'espace entre les tables. Oui, parce que les chaises, même avec personne dedans, les chaises se fonçaient dedans entre les rangées. Oh my God. Ils ont fini par comprendre. C'est difficile de manger à la cafétéria, là. Je sais pas si tu sais. Oh, ouais, ben oui, je faisais des tournées de cafétéria, j'essayais de passer entre les chaises. Savez-vous le struggle que je vivais? C'était c'est pareil comme aller au cinéma, pour vrai. C'était pareil comme aller au cinéma. Imagine avec un cabaret rempli de bouffe. C'est pas le fun. C'est fini, c'est révolu, c'est derrière. Ben, est-ce que vous autres aussi, vous mettez genre des bonbons dans vos manches de manteau quand vous rentrez à la cafétéria pour être dans ta sacoche, sûrement, toi? Vous dites que la cafétéria est aussi chère que le cinéma, par exemple, c'est vrai. Tellement. On devrait penser à ça. Wow. Amener des biscuits soda pour la soupe. Ouais. Qui charge comme 45 cents, le sac. Non, ça n'est que sur nos grands amis. Salutations! Ouais. Effectivement, venez manger à la chaise galerie, les gens. Ouais. Et la bouffe froide s'en vient, là. On va se croiser les doigts, j'espère. On n'a pas le droit d'avoir de détails, mais ça s'en vient peut-être. Bon, mais le jeudi prochain, on va en avoir, par exemple. Une fois que le CA va être passé, je vais revenir sur tous ces beaux points-là avec les décisions qui vont avoir été rendues par le CA. Ça va être super génial. Donc, le CA a lieu dimanche. Ça commence en fin de journée. Oui, à 5h le soir. Donc, on va dire 17h même. Génial. Oui, puis il restait peut-être juste un petit. Il restait quoi, excuse-moi? Oui, c'est l'assistant-gérance de la chaise-galerie. Sinon, politique de vote et électronique des administrateurs aussi. En fait, c'est une nouvelle politique, en fait, qu'on va réviser et qu'on va revoir. Super, on en reparlera la semaine prochaine. Ça a l'air plaisant. Ouais. Oui. Et mardi prochain, on a parlé de ça dans pas mal de médias, mais ça va être sur le campus que ça va avoir lieu. C'est la manifestation contre la culture du viol mardi prochain. Oui, exactement. Ça se passe le mardi 1er novembre, en fond de 11h30 à 13h30. C'est organisé par le groupe Action Femmes de l'UQTR qui ont décidé de se lever en fait suite aux événements qui se sont produits récemment dans les médias. Donc, on peut parler entre autres de la ministre qui est sortie dans les médias par rapport aux manifestations, mais aux initiations, aux intégrations. Il y a eu aussi les agressions à l'Université Laval. Il y a eu Donald Trump aussi qui s'est fait accuser d'agression sexuelle. Donc, c'est un sujet qui revient beaucoup présentement dans les médias. Il y a des groupes de femmes qui ont décidé de s'organiser et de en fait faire des manifestations, entre autres, pour dénoncer ces... je pourrais pas dire ces pratiques-là, mais c'est... Ce fléau. C'est un peu, oui, exact. C'est un fléau, complètement. Puis... En fait, c'est ça, ils veulent dénoncer ces pratiques-là, faire en sorte que ça reste dans les médias aussi, parce qu'il y a des revendications qui s'en viennent aussi, je crois, puis il va y avoir un certain lobby sur le gouvernement qui va être effectué éventuellement. Donc, c'est vraiment bien, ça va pouvoir permettre de réunir beaucoup de monde, je l'espère. D'ailleurs, on a invité des associations à l'externe, étant donné qu'on est les seuls à faire ça mardi prochain, à venir avec nous. Il y en a déjà plusieurs qui ont répondu de manière positive. Il y a M. Daniel McMahon, le recteur de l'université, qui va venir pour faire un discours, entre autres. Je vais aussi prendre la parole, et il va y avoir avoir une représentante du Calax aussi qui va intervenir, ainsi que Valérie, une membre du GAF, en fait, qui va prendre la parole aussi pour... Et chroniqueuse les lundis à 7h30 à Assemblage Requis. Effectivement. Donc, j'imagine qu'on en a probablement parlé, elle aussi, un peu lundi dernier. Pas encore, non. Ah non, Tania, non, c'est vrai, ça va être lundi prochain. Parce elle n'a pas parlé, Valérie, finalement. Non, elle n'en a pas parlé, non. Ok, mais elle reste subtile. Ah oui, c'est clair. Mais lundi prochain, je pense que c'est pas encore organisé. Oui, c'est organisé. Le communiqué de presse a été envoyé hier, donc je pense que j'ai le droit d'en parler. Non, mais t'es pas présente cette semaine. Ah, t'es pas à l'émission. Non. T'as raison, elle était pas là lundi. Ah, c'est pour ça. C'est vrai. Ah, tu vas entendre parler lundi, croyez-moi, j'ai promis, ça va être assez fébrile. Ouais. Voilà. Sinon, ben, je t'ai pas dit c'était où, hein. Ça serait le fun, tu sais, si vous arrivez, genre, mettons, au cube, puis t'es comme pas là partout, c'est pas le fun. Mais bref, ça va être proche des résidences Michel Sarrazin. Donc, vous allez avoir une bonne idée. Là. Vous allez voir la foule, ça promet, vous allez être capable de vous setuper. Si vous avez le goût de venir y assister avec nous, ça va être super le fun. Les médias vont être là sûrement aussi, donc vous allez sûrement voir des images de ça quelque part. Oui, il y a une liste. Hier, j'ai reçu le courriel d'envoi aux médias. Il y a au moins une quinzaine de médias qui ont été invités. Donc, d'après moi, on devrait être capable d'attirer l'attention des médias. Ça l'est sorti dans la presse, en tout cas. Oui, j'ai vu la photo. C'était une belle photo. Oui, effectivement. Donc voilà, c'est il y a rien d'autre finalement, ça fait le tour. J'ai fini. C'est beaucoup de choses pour une seule semaine. On se retrouve toutes les semaines pour la chronique de la GQTR, puis à chaque fois il y a une ribambelle de nouvelles, même quand on dit qu'il se passe pas grand chose, regarde-moi ça. Ben oui. Il dit qu'il y a rien. C'est vrai. Effectivement. J'ai trouvé des trucs. Il m'a fallu que je me creuse la tête par exemple. Popé naturellement. On apprécie que tu travailles fort pour nous comme ça, et on te retrouve la semaine prochaine jeudi à 8h pour notre chronique de la GQTR. Merci Alex. Oui, ben merci à vous. Alex, bonne semaine. Marchand, président de la GQTR. On écoute Apprendre à mentir de Lydia Kepinski, puis après ça, l'émission continuera avec une grosse pointe à l'adresse. Ah, oui, on va manger ou boire, ou les deux, je sais pas. Ah oh, ouais. Je pourrais te dire de pas t'en faire, ils vont revenir. Mais je sais qu'il est parti pour partir. Je pourrais te dire. Kepinski, qui lirait sa chanson Apprendre à mentir. Tania aime pas quand t'as lire, hein? Non, j'ai de la difficulté. So mean. Such a nasty woman. Donc, Lydia Kapinski qui nous ramène à la chronique de la GQTR. On avait terminé tantôt, on te remercie, on t'a dit bye, tout ça, Alex Marchand. Mais non, on l'a ramené. On l'a ramené. On revient ici. C'est comme, c'est comme se faire, vouloir faire un party, c'est l'annuler, le remettre. Le renouveler. Et parlant de ça. Oui. Alex! Alex, le party de demain a été annulé pour la Ben oui, en fait, l'association des Français de l'UQTR avait organisé un party au 10-12, un party d'Halloween, en fait, qui, à la base, avait comme été annulé out of the blue hier par l'université, mais finalement, on a réussi à négocier avec eux autres, faire en sorte que, tu sais. La raison est pas publique par rapport à l'annulation de, par l'université? Non, malheureusement, je peux pas vraiment dire plus. Mais peut pas dire. Ben oui, exactement. Mais bref, on a réussi à faire désannuler en fait en négociant parce que ben on a des bons rapports avec l'université présentement. On a quand même réussi à maintenir ça, pas pire. Ouais. Puis on avait déjà commandé nos stocks en fait pour la chasse galerie. Il y avait déjà du staff qui était qui allait être présent pour demain, qui était booké puis tout. Fait que finalement, ben on a réussi à l'avoir, à faire en sorte que ça continue, mais l'association qui l'organisait finalement a décidé de l'annuler puisqu'ils pensaient pas qu'il allait avoir assez de monde puis voulaient pas avoir un peu miné leur réputation de party. Donc, mais là, c'était la dernière chance. Je pense qu'ils pourront pas remettre le party. Là. On verra. Je dirais que j'ai travaillé pas mal fort pour eux autres les deux dernières semaines puis ouais. Parce qu'on a eu des problèmes avec la viande depuis le début à cause d'un groupe avec qui ils faisaient affaire en fait, puis ça faisait pas l'affaire de tout le monde. Fait que bref, on a travaillé fort pour que l'événement puisse se produire puis un peu que là, ils décident de pas le produire, c'est sûr que je vous dirais que ça nous fait un peu chier. C'est un petit peu dommage, oui, tout à fait. On retiendra pas les paroles, hein. Le président de GQTR a dit que ça nous fait un peu chier. Eh bien, c'est ça. De façon normale. Mais c'est normal et tout à fait raisonnable de penser comme ça. Sinon, il y avait d'autres parties qui s'en venaient pour l'Halloween, non? Oui, il y en a trois la semaine prochaine. Après, on a un lundi, mardi et jeudi. Wow. Donc, oui, ça, je pense qu'il y a Médecine Podiatrique qui en organise un. Il y a la SAP, qui est l'Association des étudiants en éducation physique. Puis, après, j'en oublie un, mais je sais pas exactement c'est quoi. En tout cas, bref, vous irez voir sur Facebook, marqué Halloween et QTR. Vous allez voir tous les événements qui vont vous popper droit dans le visage. Il y a des petites affiches aussi sur le campus, des fois, sur les babillards. Ça arrive une fois de temps en temps. Donc, voilà, on a bouclé la parenthèse qu'on devait faire. Et en plus, ça me fait penser au fait que cette chronique-là se passe à la vitesse de l'éclair parce qu'on est trois personnes qui parlent vite. On parle vraiment vite les trois puis ça c'est vrai. J'ai essayé tantôt, je m'en suis rendu compte, j'ai essayé de baisser un peu mon calibre de C'est celui des Kiro que t'as oublié. Ah, Kiro. Celui des Kiro et Pods. Non mais c'est médecine podiatrique justement avec les Kiro, c'est Kiro que j'avais oublié, je l'avais parlé. Tu vois? Tu vois, il y a Alex qui est intéressé sur l'événement. Il est intéressé à tout, c'est le président. Et le président. Il n'y a pas le choix. Est-ce que tu penses que ça a fonctionné de parler plus grave un peu? On essaie de parler plus haut dans notre micro. Oui, je pense que ça fonctionne un peu. Mais ça, je vois une différence. Est-ce que j'avais dit qu'on devait prendre une pause? Oui, on prend une pause. Et au retour, une grosse pointe à l'adresse. Et on va garder un invité pour cette chronique-là. Assemblage Requiem ce jeudi 27 octobre 2016. Elle est Tania Baudin. Avec Mathieu Blanc. De quoi est-ce que tu ris cette fois-ci? C'est parce qu'on cherchait en fait le party qu'Alex a oublié et qu'on n'est plus capable de trouver sur Facebook. Fait que je suis allée sur la page Spotted du QTR. Faut pas aller là si tu veux pas perdre toute ton énergie. J'ai trouvé des messages assez rigolos, merci. On en lira peut-être une coupe à la fin de l'émission. Peut-être, peut-être. On a gardé Alex Marchand de la chronique de la GQTR, salut à toi, pour faire notre chronique où on goûte à quelque chose, ce qu'on appelle les produits du tiroir. Voici une grosse pointe d'allresse. C'est une grosse pointe d'adresse, c'est la chronique dans laquelle on goûte un produit en épicerie, en dépanneur ou peu importe, c'est jamais de la pizza. Malheureusement, même si le titre de la chronique c'est une grosse pointe d'adresse. Là, je suis triste par exemple, je m'en vais du site. Bye! C'est pas si on avait vraiment une pizza à chaque semaine, on devrait être commandité.

Tu sais, les petits biscuits, genre... ouais, oui, tu sais déjà lesquels. Ben, je suis sûre, juste plats, à l'odeur. Ils sont plats, sont au caramel, ils sont super tendres. C'est par Little Debbie, genre, il y a ça à l'épicerie, c'est comme une pièce et quelque chose, là, c'est pas cher. Ouais, c'est peut-être pas de ceux-là auxquels je pense. En tout cas, ça ressemble à du caca, mais c'est, ça fait ressemble. Ça sent pas ça, par exemple. Mais du caca plate, mettons. Oh, ben encore là, il y a des petits motons sur ça. Il y a des motons dedans, il y a comme des... Ça serait comme un cacamou, mais qui aurait gelé. Les gars, vous êtes dégueulasses. Ouais, ouais, je pense que ouais. Allez, non, mais faut le décrire. Faut, c'est un médium vous visuel. Aviez pas, tu sais, là, il y avait comme des rondelles de coconut avec du chocolat puis du caramel dessus quand on était jeunes. Je me souviens plus, la boîte était comme blanche. Oui. Ça sent ça. Oui. Ah, j'ai tellement mangé ça toute ma vie, là. Ça sent aussi les biscuits papineaux. Tu sais, les biscuits papineaux. Ils sont comme durs au chocolat puis avec de la, du crémage. Du caramel dedans? Je pense que le caramel aussi, c'est super bon. Papineaux? Non, je connais pas les papineaux. Goûtez à des papineaux. Si vous voyez des papineaux, non, tu sais, ceux qui étaient de la même marque que l'écolier, qui avait comme du caramel dedans, mais qui était enrobé de chocolat. Pas Célébration? Je pense que c'est ça, Célébration. Ah, c'est bon, ça aussi. Célébration caramel. Ah, bon, oui. À place de parler de kika, puis des biscuits. Fait que tu ramènes le sujet. Mais juste par rapport aux papineaux, là, je vous invite à vous questionner si vous êtes en train de licher le boulevard papineaux, parce que c'est pas ça que vous voulez dire, OK? Puis du crémage, vous avez fait quelque chose qu'il fallait pas avec la salle. Exactement. OK. Bon, on y va? On goûte? Allons-y. Oui. Oh, c'est dur! Plus solide que j'aurais pensé, hein? Moi aussi. 5 grammes dedans, hein? Je suis grammes, genre. Tu vois? Ça goûte le vrai chocolat. Ouais. On parle pas c'est de comme salé arrête. Aussi en même temps, hein? Salé? Non. Vous trouvez pas que la barre est comme salée? Un peu. Peut-être un petit peu. Mais je trouve que le sucre est pas si intense que ça. Je sais pas si c'est moi qui est déréglé, mais je trouve que ça goûte pas tant grand-chose. J'avais de grands espoirs. Ça goûte comme pas ce que je m'attendais. Non. Non, mais on est loin des petits ronds coconuts. Hein? Ouais, vraiment. Ça, c'était excessivement sucré, mais ça, on est dans quelque chose de quand même... l'impression santé, même. Ouais, c'est ça. Je m'attendais à un coulis de caramel dedans. Je m'attendais à ce que ce soit plus tendre. Ouais. On a quand même 20% de gras saturé, par exemple. Bon. Ça, c'est les détails, Alex. C'est trop sec. Ouais. Ouais, les pâtes d'ours, en temps normal, sont moelleuses. Mm-hmm. Là, c'est dur. Très décevant. Oh! Je me pose de la finir que je mets mon pouce en bas. Ouais, moi avec. Ouais. Pouce en bas pour les trois, c'est dommage. Triste. D'art. T'es sûr qu'ils sont pas passés date? On va aller voir. Tu sais, les biscuits mous, ils deviennent durs, puis les biscuits durs, ils deviennent mous, fait que... Où sont les dates de péremption? C'est pas l'équilibre dans la vie, hein? On dirait qu'il y a comme un petit arrière-goût, en plus, que je suis pas sûr d'aimer. Ouais. Je trouve pas du tout la date. Bon, ça y est. Mais pour vrai, c'est bizarre, pas de date. Attends, je l'ai. 26 novembre 2016, on est correct. Ah, pourtant. On est correct, c'est vraiment ça que c'est supposé goûter, faut croire. C'est vraiment censé être dur de même. Ben ouais, on dirait. Je n'aime pas ça. Non, moi non plus. Non. Bon, donc 3 pouces par en bas, c'est bien dommage. Parlons un petit peu de nouvelles, si ça vous intéresse. Commençons par Pepsi qui essaie de couper dans les breuvages sucrés. Le sucre est ajouté dans les liqueurs. Donc PepsiCo promet de réduire le nombre de breuvages sucrés qu'ils vont vendre pendant la prochaine décennie, alors que le gouvernement augmente les taxes, entre autres sur les boissons gazeuses et les jus de fruits, pour essayer de réduire l'obésité et le diabète aux États-Unis. Au moins 2/3 du volume de breuvages de la compagnie n'aura pas plus de 100 calories partir de sucre, de 100 calories de sucre ajouté par portion de 12 onces d'ici 2025. Oh là là! 2025! Présentement, moins de 40% de son volume de breuvages entre dans cette catégorie-là. La compagnie avait précédemment dit qu'elle allait réduire les sucres ajoutés par 25% par portion dans certaines marques, dans certains pays, d'ici 2020. On fait ça vraiment à longue échelle, je comprends pas. Je veux dire, en tant que tel, la liqueur, ils en produisent à chaque semaine. Faites juste arrêter d'en mettre. Hein? Ouais, mais Pepsi, ça l'a pas juste Pepsi. Là. Non, non, tous les jus qui sont propriétaires, etc. Plein de marques. Il y a plein de détails dans l'article. Je répondais pas à tout, là, mais je ne lirai pas tout, mais ils sont entre autres propriétaires de Mountain Dew, Tropicana, Gatorade. Une canette de 12 onces de Mountain Dew contient 46 grammes de sucre. Oh my god! 46. Wow. God. Maintenant, on vous suggère de prendre vos restants de gâteau. Quand il en reste, moi je sais qu'il en reste pas mais ben longtemps des restants de gâteau d'habitude chez nous. Pour les changer en garniture pour la crème glacée, des garnitures super croustillantes. Donc, enlevez le dessus de votre gâteau avant. Ça dit ici, attends un petit peu, c'est ça. De crumbler, donc faire un émietté de votre gâteau. De mettre les miettes dans sur une plaque à biscuits et passer ça à 250 degrés Fahrenheit pendant environ une heure jusqu'à temps que les miettes soient complètement sèches et tu vas avoir des petits bouts croustillants pour mettre sur ta crème glacée préférée ou à utiliser comme garniture sur un gâteau. C'est-tu énergisant, cette petite barre-là que tu nous as donnée? C'est un petit kick, là, c'est ça? J'ai l'impression que je viens de manger comme 12 barres de chocolat. Moi, je pense que c'est parce que t'es excité de manger quelque chose de sucré. Peut-être. Le matin. Peut-être à cette heure-là, t'as-tu déjeuné, Tania? Ouais. Oui! C'est psychologique, votre affaire. J'ai déjeuné, moi. Hey, des Pop-Tarts qui s'en viennent à la pomme caramel. Oh! Édition limitée, je pense que ça va être très bon pour les dents, surtout. Donc, du caramel et de la pomme dans des Pop-Tarts, pourquoi pas en boîte américaine. Bien sûr, j'espère qu'on va voir ça un jour ici. Genre, est-ce je que reviens le, dans 10 minutes, je m'en vais chercher live. Est-ce que le c'est pomme, ça, le pomme, c'est comme juste le petit coulis vert sur la Pop-Tart? Ouais, c'est ça, exactement, ouais. OK. Pas sûr, hein? En tant que tel, ça a l'air d'être l'intérieur qui est au caramel et l'extérieur avec une petite garniture glacée aux pommes. Ensuite, on reste dans les pommes caramel avec une recette de pommes caramel au bourbon qui devrait remplacer votre dépendance au pumpkin spice, à la citrouille épicée, nous dit popsugar.com. Mmh. Si vous cherchez quelque chose pour changer les choses cet automne, c'est donc une recette de pommes caramel alcoolisée qui pourrait être une bonne alternative. On dit de tremper des Granny Smith dans une garniture au caramel mélangée avec du bourbon. Malade. Wow, on peut même mettre des petites arachides salées de chaque côté pour ajouter encore un petit peu plus de saveur. Donc, tremper ça là-dedans pour faire un enrobage aux arachides. Ça a l'air bon. Allez voir la recette sur assemblagerequis.com. Hey, une pomme qui saoule, toi. Essayez ça, moi. C'est quoi, hier, tu disais qu'un verre de scotch éloignait le docteur pour toujours? C'est un verre de whisky, apparemment. Et on dit ça d'une pomme aussi, donc mélangez-les en deux ensemble. Même affaire. Ça, c'est clair, tu deviens invincible avec ça, tu manges jamais. Exactement. T'es comme un super-héros, ça va être malade. Ensuite, un autre petit spot-up d'un produit qu'on a vu, c'est encore une fois aux États-Unis, c'est des Skittles Brightside. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des saveurs différentes de Skittles, comme melon d'eau, punch du paradis, kiwi et banane, ça c'est une seule saveur, limonade rose et tangerine. Dans un sac de Skittles. Ça a l'air assez classique. Je pense que quand tu les prends à la poignée, ça finit tout par goûter pareil. C'est vrai, hein? Un bon verre de jus tropical au sucre. Oh oui! Le 7-Up à la grenade est de retour pour 2016 aux États-Unis. Ooh. Oui, Pomegranate 7-Up qui est de retour. Et cette année, vous pouvez acheter... vous pouvez acheter, en fait, un 7-Up aux grenades aux États-Unis et faire un don à l'armée du salut. OK. Voilà. Et il n'y a pas de caféine dedans, en plus. Exactement, sans caféine. Et pour chaque bouteille vendue, l'organisation va recevoir de l'argent. Donc, pourquoi pas faire une œuvre de bien... participer à une œuvre de bienfaisance en buvant de la liqueur. Ce qui est le fun aussi aux États-Unis, c'est que tu peux acheter une grenade au Walmart. Comme une vraie. Tu parles de l'arme, c'est oui. Ça? C'est drôle. C'est comme un commentaire Michael Moore-esque. Ouais, ouais, ouais, exact. Il y a un nouveau documentaire à Michael Moore. Oui, oui, il l'a fait sur Trumpland, je pense. Il parle seulement d'Hillary Clinton, c'est quand même assez... les indécis s'y confondront. C'est comme un genre de stand-up devant un public qui est partisan à Trump, mais il essaie de les convaincre de... que Trump il est mauvais. Ouais. Si vous vivez en Angleterre, vous pouvez commander une pizza Domino's par canot. Une gimmick de marketing et un test en même temps. Donc, Domino's qui livre des pizzas par canot sur River Luce dans Kent County au Royaume-Uni. Selon Kent Online, un bateau rempli avec un livreur de pizza, avec l'équipement, j'imagine, pour pas se noyer, et une pizza dans un sac chauffant. Et pour s'assurer que la pizza n'est pas d'eau, ça vient dans un sac qui peut flotter et qui est à l'épreuve de l'eau. Ils ont testé des drones de livraison au Royaume-Uni chez Domino's et donc dans certains pays, dans certains autres pays aussi. La livraison par canot, c'est la première fois qu'on entend parler de ça. Et c'est un test qui va durer seulement 2 semaines. Bon. Un autre spotted, c'est la Twix au chocolat blanc aux États-Unis, encore une fois. Apparemment, c'était chez Walmart aux États-Unis. Donc, Twix au chocolat blanc. Et au Canada, de ce côté-ci, on a enfin trouvé un endroit où on vendait. On a déjà parlé dans cette chronique-ci de la chip dans une boîte. C'est comme une seule chip ultra piquante dans une boîte. On peut maintenant l'acheter dans les Sobeys et les Safeway au Canada, apparemment. Ça s'appelle le Carolina Reaper. Donc, le piment le plus piquant au monde. C'est donc une seule chip croustillante qui vient dans un genre de cercueil en carton, comme je disais, disponible chez Sobeys et Safeway au Canada. Aussi aux États-Unis, vous pouvez aller voir le lien pour savoir où les retrouver sur paqui.com, paqui.com/Reaper. Donc, peut-être qu'un jour, on devrait essayer ça. À quoi ça te sert d'acheter ça? Vivre des émotions fortes. Tu vis pas grand-chose si que ton émotion forte de la semaine, c'est de manger une chip fucking piquante. Est-ce que vous seriez prêt à l'essayer en ongles? Non, moi j'ai de la difficulté à manger genre du chili avec du tabasco dedans. Ok. J'irais pas manger un paquet ou que c'est un... Il va falloir rééviter Alex. Moi, je prends mon taille express dans le doux, tu sais. Un peu piquant. Moyen. Non, je l'ai pris une fois épicé, le taille express, puis effectivement, j'étais pas capable. Hey, donne-moi pas de la sriracha. C'est peine trop. Tu sais, moi, j'adore le piquant. Je suis un gars qui aime le piquant en général, mais chez taille express, le piquant, c'est trop. Puis tu sais, quand ils te le disent, piquant, pas piquant. Puis là, tu fais, non, pas piquant. Puis là, tu vois le petit gars qui met du sriracha dedans. Traître. Mais sinon, j'imagine, par exemple, que pour assaisonner quelque chose, tu le crunches un peu, tu mets sur quelque chose, ça pourrait fonctionner. Ouais. C'est une maudite bonne idée, pareil comme le gâteau tantôt. Pareil. Un autre spot, les Lay's au popcorn caramel. Ouh. Oh, ça a l'air génial. Ça se passe. Ça se passe pas ici, en tout cas. En Thaïlande. Non, c'est en Thaïlande. Lay's popcorn caramel potato chips. Pourquoi pas? Sans le popcorn qui te pogne dans les dents. Mais la saveur est là. C'est vrai. C'est cool. Il aurait dû faire un mélange. C'est quoi? C'est. Tu sais, le mélange fromage, caramel et popcorn normal. Comment ils appellent ça? Pas Boston. Mélange Boston, c'est ça? Non. Ah ouais, je sais pas. En tout cas, ça existe. C'est super bon. Je ne connaissais pas. Oui. Si vous cherchez ça en magasin, ça existe assez facilement facile à trouver. Le 26 octobre dernier, Krispy Kreme célébrait la journée nationale de la citrouille, National Pumpkin Day, avec les Pumpkin Spice Original Glazed Donuts. C'était la première fois donc que Krispy Kreme changeait sa recette originale avec de la citrouille épicée pour une seule journée seulement. C'était le 26 octobre. Jamais avant, jamais après. Une correct journée. Ça. C'est passé. C'est en masse. Ils sont donc bien conservateurs. Pas changé sa recette depuis genre 20 ans. Là. C'est sinon plus. Hey, pumpkin spice, là. Il y en a partout. Partout. Ils sont pas obligés de changer leur recette. Taco Bell va donner des tacos gratuits. Et là, je connais pas le baseball. C'est les Bases Are Stolen. Une base volée, comment on appelle ça? C'est un but volé, Mathieu. Un but volé pendant la série mondiale de 2016. Donc, Taco Bell qui fait son concours annuel Steal a Base, Steal a Taco. Pendant les séries mondiales. Si un joueur vole un but pendant les finales. Tu sais, Mathieu, il fait la mise en onde des aigles, mais il écoute pas ce que les gars disent. Je fais exprès pour pas écouter, en fait, parce que je trouve ça trop plat. Donc, si on réussit à faire ça pendant la première partie ou la deuxième partie des séries mondiales, vous allez pouvoir vous prendre un Doritos Locos Taco gratuit le 2 novembre prochain entre 14h et 18h heure locale dans un Taco Bell local. Non, il ne donnait pas ici. C'est bien. Si le premier but volé arrive pendant la troisième partie ou plus, ils vont donner des Doritos Locos Taco un par invité jeudi le 10 novembre entre 14h et 18h et c'est seulement appliqué pendant les séries mondiales. C'est donc la cinquième fois que Taco Bell fait cette promotion-là et les chances qu'un but soit volé pendant les séries mondiales est c'est une très bonne chance. Dans les quatre fois qu'on a couru cette patente-là, oui, ils ont fini par donner... Ils ont fait ce concours-là, bref. Les quatre dernières fois, ils ont donné des tacos gratuits. Mais c'est quelque chose qui est courant là, au baseball de voler un but là? Ouais, c'est ça. Moi, je savais ça. C'est pas quelque chose que je sais pas. Mathieu, c'est grand connaisseur de baseball. Oui, exactement. Mathieu, c'est grand amateur de sport. Et voilà. Une nouvelle mode, tout le monde, c'est les Nitro Teas. Une nouvelle mode dans le monde de la caféine. Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Donc, Nitro Cold Brew Coffee, qui a été popularisé par Starbucks. C'est pas encore une idée très, très populaire, mais ça prend de l'ampleur. On dit que Teavana, qui est aussi une propriété de Starbucks, teste ça. B-Sweet à Los Angeles fait déjà du thé matcha et du thé glacé. Donc, c'est de la nitrogène qu'on ajoute, qui ajoute une cascade de petites bulles dans votre thé et qui crée une texture soyeuse et crémeuse qui imite le lait, mais sans le lait. Mais c'est caféiné, genre? Non, je crois pas. Je crois que c'est le thé en tant que tel qui est caféiné. OK. Donc, tu fais juste avoir des bulles et une petite texture laiteuse dans ton thé. On dit que la nitrogène enlève un peu de goût âcre, de goût amer. Donc, pas besoin d'ajouter du sucre, disent-ils. Tonté tatiloté tatou. C'est quoi? Quoi? J'ai dit tonté tatiloté tatou. Ah ouais, wow. Je tiens à souligner quand même que c'est remis dans un fût. Ben, ouais, comme une bière. Comme une bière, en fait. C'est cool. Ça fait chic, en plus, du thé dans un fût. Ouais. On reste dans le thé, justement, le thé dont tout le monde parle, qui transforme votre boisson en arc-en-ciel. Hein? C'est Fontrin. Un des quatre propriétaires du nouveau bar à thé de West Hollywood, Pearl's Finest Teas. On dirait vraiment que c'est la plus grande agace. Vraiment. Finest Teas. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. C'est qu'une fois que tu rentres là-bas, oui, tu vas être attiré par les papiers peints roses, la tapisserie, là, bon, etc. Et le plus grand hit, c'est le Orange Yuzu. Étant donné son goût rafraîchissant et sa couleur qui ressemble à un arc-en-ciel pastel. Donc, comment est-ce qu'on fabrique ça? Ben, on sait pas. On dit que Fang mesure, fait brasser, mélange les ingrédients et ça crée une boisson à l'hibiscus qui est de couleur arc-en-ciel. Donc, le secret est dans la recette, j'imagine, mais on ne sait pas ce que c'est. Fogg assure que le drink au complet est au naturel, donc il n'y a pas de couleur artificielle, il n'y a pas de, c'est pas des colorants qui servent à faire l'arc-en-ciel. Mais il n'y a pas de couleur artificielle. As-tu vu le bleu de ce drink-là? Ça dit, monsieur ou madame Fogg, Trin dit que c'est au naturel. C'est monsieur. Parce que selon les photos de l'article, ça serait un monsieur. Ah, t'as ouvert la galerie, toi, moi je clique jamais sur ces galeries-là, t'as raison. Bref, ça dit que c'est. Hey, attends, il y a un ingrédient secret en passant, hein? C'est pas marqué ce que c'est, par contre. C'est ça? C'est des pois de. C'est une fleur. C'est une fleur qui donne cette couleur-là. Ah! Ça s'appelle la butterfly pea. Oh! Ça dit que ça goûte la limonade, les agrumes, un petit peu de mandarine, zeste à l'arrière-goût. Intéressant. Ça se trouve en Thaïlande, cette fleur-là. Ouais! Et on termine avec un biscuit aux Cheetos. OK. Ouais. Donc, l'ultime combo de sucré et salé, c'est un biscuit rempli de Cheetos qu'on décrit comme étant épais, mâchouillant, si on veut, salé et fromagé. Et qui va changer, qui va évidemment te donner une petite couleur orangée à tes doigts. C'est chez Cookie Good à Los Angeles qui fabrique ça et... vous pouvez aller les goûter là-bas, voir une petite vidéo démonstration sur assemblagerequis.com. Évidemment, recette secrète encore. Je pense pas qu'on puisse les fabriquer à la maison, malheureusement. Mais des biscuits aux Cheetos. Ben, je suis sûr que oui. Montre les vidéos comment les faire. T'es sérieux? J'aimerais vraiment regarder les vidéos, finalement. Faut que tu fasses comme une pâte avec tes Cheetos. C'est pas pire que je regarde des vidéos avant de parler. Ouais, ben, je sais pas si j'embarque, par exemple. Je sais pas, hein? Ouais, je me sens un biscuit, pour moi, c'est sucré. Hein? Ouais. Mais bon. T'arrives en boutique, mettons, chez Tim, puis il y a une colonne qui dit Cheetos. Je vais l'essayer. Je pense que ça va rester très longtemps sur la tablette. C'est jaune, là, genre... On dirait du néon. Voilà, on va arrêter là-dessus pour ce premier bloc. On en fait un deuxième après la pause. Alex, d'habitude, c'était pas mal à l'heure que tu t'en vas, oui, j'imagine. Oui, exact. Donc, merci pour ta présence. Merci encore à vous. Tu peux t'amener une autre pâte d'ours si t'en veux, mais t'es aimes pas, hein? Non. Non, c'est ça, on va garder ça. On va en donner à David Ferron. Il va y manger, il mange n'importe quoi. On prend une pause, on revient avec un deuxième bloc d'une grosse pâte en dresse. Restez avec. Assemblage Requis, on est jeudi 27 octobre 2016 et Tania Baudin. Et Mathieu Blanc. Dans quelques instants, on va faire d'autres nouvelles de fast-food dans une grosse pointe d'adresse, mais avant ça, c'est le moment d'aller se renseigner sur ce qui se passe sur le campus avec l'Info Campus. Voici maintenant l'Info Campus, présenté par le journal Zone Campus. Vous connaissez une personne diplômée universitaire qui se démarque? Il est possible de soumettre une candidature pour le Gala des Pythagores ayant lieu au printemps 2017. Parmi les critères d'éligibilité, l'accomplissement professionnel, le bénévolat, le rayonnement de ses réalisations, les reconnaissances reçues et être diplômé de l'UQTR. Pour soumettre une candidature, uqtr.ca/pythagore. Le dépôt des candidatures est le 1er décembre. Lors de la semaine de travaux et d'études du 24 au 28 octobre prochain, la navette entre le campus et le stationnement alternatif près du Ludoplex est interrompue. Par contre, les stationnements du campus sont gratuits durant la semaine. Pour les étudiants et étudiantes créatifs ayant du talent et de la créativité, le concours de la page couverture de l'agenda AGE-UQTR 2017-2018 est tout désigné. La page couverture gagnante sera visible sur plus de 6000 agendas. Des prix de 75 à 300 $ seront offerts aux trois meilleures soumissions. Tous les détails sont disponibles sur ageuqtr.org dans la section Nouvelles de l'onglet AGE. L'UQTR organise sa journée porte ouverte le 5 novembre 2016 entre 11h et 16h. Des kiosques et conférences sont au programme. Depuis, il est possible de visiter le campus, les résidences, le centre de l'activité physique et sportive, les laboratoires et bien plus encore. La Coopsco Trois-Rivières organise un concours le 31 octobre prochain. Il suffit de vous présenter à la librairie et de remplir un coupon de participation. Une paire de billets sera tirée pour une visite à la vieille prison. Bonne chance! C'était votre capsule Info Campus. Pour d'autres nouvelles, lisez Zone Campus et visitez zonecampus.ca. On vient d'entendre l'Info Campus avec la voix de Tania Baudin, le texte de David Ferron, rédacteur en chef du journal Zone Campus, et on écoute l'Info Campus du lundi au jeudi, deux fois le matin dans l'assemblage requis, une fois sur l'heure du midi. Oui. Toujours. C'est comme ça que ça se passe. Ouais. Une nouvelle édition lundi prochain. Avant de continuer avec une deuxième portion d'une grosse pointe d'allresse, on va s'entendre une petite pièce musicale par Bear Mountain. Oui, Hopeful. Tout de suite, sur C'est fou. Bear Mountain. Les petits claquements de doigts sont très nécessaires. Mais oui, je croyais que ça fitait avec le petit... Tout à fait, t'as bien raison. Maintenant, est-ce que tu vas essayer de faire du tam-tam un petit peu pour l'intro d'une grosse pointe d'allresse? Eh, hey, boy. OK, attention, go! Une grosse pointe d'allresse! Une grosse pointe d'allresse! Une grosse pointe d'allresse! Une grosse pointe d'allresse! Oui, la fin de parfaite, bravo! Une grosse pointe d'allresse. Toutes les mains rouges. Oui, c'est ça. Mais notre table est très résistante. Oui. Voilà. On peut pas dire la même chose des gens qui ont dû entendre ce son-là dans le pavillon Les Rébauches. Hey. Bref, pour cette deuxième portion d'une grosse pointe d'allresse, on accueille David Ferron. Bonjour, David. Salut. Ça va bien? Oui, pauvre merci. David qui file pas. Ouais, une petite grippe. Rhume. C'est toi, loin de nous. Oui, David qui habituellement est ici au bureau vers les 7h du matin. Aujourd'hui, je sais pas, il a réussi à se retenir jusqu'à 8h30, 9h. 9h. 9h, pas mal. Plus d'avoir été en congé hier. En plus. Mais je suis en train de... Tu sais, t'étais en congé hier, mais t'as fait une entrevue avec Groenland pour la prochaine édition des Panoramas. C'est fou. Et en plus, t'as animé l'Aube Trotter à 19h. Ouais, mais ça, c'est du temps à part. Ouais, c'est autre chose. Quand t'es en congé, t'aimes ça de décrocher un petit peu. Ouais, mais on dirait que je suis un peu addict. Ouais. Je suis un workaholic. Un workaholic. Et aussi un bouffaholic. Hein. La raison pour laquelle on t'a ramené, c'est que t'as goûté à ce qu'on a goûté avec Alex Marchand tantôt, les pâtes d'ours au caramel granola. Qu'est-ce que t'en penses? Nous, on a mis nos 3 pouces par en bas. Je sais pas quoi dire, c'est étrange. Moi, je pensais que ça allait être c'est correct, ça goûte le sucre beaucoup, puis c'est bon, mais là, je sais pas, c'est comme si quelqu'un avait décidé de mettre une O&R dans du biscuit Graham parce que le biscuit Graham goûtait rien. C'est vrai, tu vois, je l'ai dit tantôt que je trouvais qu'il n'y avait pas grand goût. C'est surtout à cause du biscuit Graham. L'enrobage n'est pas assez puissant pour contrer la fadesse du biscuit Graham. C'est plate comme biscuit. C'est comme tu manges ça, puis t'es supposé genre ressentir un petit aïe de genre, hey, crime, je suis en train de manger quelque chose de sucré que je devrais pas manger. Mais là, tu te sens même pas mal parce que, comme Alex Marchand a dit, ça a quasiment l'air santé. Puis la texture, sérieux, c'est drabe. C'est une texture genre un peu terreuse. Mm-hmm. Non, vraiment, on est 4 à dire pouce en bas, David, t'es d'accord, pouce en bas. Sérieux, je pensais jamais de dire ça, mais j'aime mieux manger des galettes de riz. Ouais, c'est vrai. C'est horrible, je pensais jamais dire ça. Pour moi, la galette de riz, c'est une abomination. Pour vrai? Mais les galettes de riz, mettons, au beurre ou au caramel, je trouve ça vraiment très très bon. Nature, c'est vraiment plate, en effet. Ouais. Bref, on va te laisser finir de manger ça, parce que t'as l'air, même si t'aimes pas ça, il se gave. Il y en a 2 autres dans la boîte, David, je te les envoie. Garde-les. C'est rare que je vais dire ça de la bouffe, mais garde-les. Ça, non, de la nourriture gratuite. Bon. Non, quand même que tu me donnerais 1 milliard pour ça, c'est non. C'est non. Non. Bon, sans goût, c'est non. Non, c'est pas la meilleure, hein? Vraiment pas. D'habitude, on a du succès avec cette chronique-là. Cette fois-ci, c'est raté pas mal fort. Totalement. Donc, on continue avec d'autres nouvelles de fast-food pour terminer. Aujourd'hui, on a donc des Pringles, des saveurs de Pringles aux biscuits au sucre. Tu sais, les sugar cookies, genre les biscuits là, comme les grands-parents avaient dans des boîtes de métal bleu. Ces petits biscuits qu'on aimait tant. Ouais, donc des sugar cookies en Pringles, c'est un peu bizarre. Il y a aussi tarte aux pacanes et caramel salé. Moi, je pense que caramel salé serait ma préf là-dedans. Quoique, tarte aux pacanes... Je sais pas. Est-ce que ça garde le goût salé du Pringle en même temps? Je me le demande. C'est plus la texture patateuse, je pense. J'invente des qualificatifs. Patateuse. Petit pot de beurre. La texture patateuse. Bref, c'est le saveur des fêtes de Pringles avec un petit genre de... comment on appelle ça? Pas du macramé. C'est quoi le tricot qu'il y a en arrière sur les boîtes? Tricot. Bon, mais cherche pas plus loin que ça. Hein? Donc, 3 nouvelles saveurs. Une qui est nouvelle. Non, 3 saveurs. Une qui est nouvelle. 2 qui sont de retour. Les caramels salés et tarte aux pacanes qui étaient exclusives à Dollar General Stores, alors que les nouveaux aux biscuits au sucre sont donc exclusifs à Walmart et vont être disponibles à partir du début du mois de novembre. Les 3 vont avoir, comme je disais, des cannes avec des... c'est comme un chandail, genre. Oui. Un sweater. Un chandail de laine. Ouais. Un ugly sweater. Exactement. Ugly holiday sweater. Donc, Pringle de pour les fêtes 2016, vendu pour un temps limité à partir de $1.69 américains. On a un spotted canadien et 2 dans la même chronique aujourd'hui. Incroyable. C'est la Häagen-Dazs Special Batch au White Russian. Tu sais, White Russian, café, vodka et crème sûre. Ouais. mais vodka, café, vodka et crème pure. White Russian. En tout cas, ça dit que tu... je pense pas que tu vas tomber sous avec de la crème glacée. Non, en fait, je me demande même s'il y a de l'alcool dedans. C'est pas écrit sur l'emballage. Genre, ça doit être de l'essence. De l'essence de vodka. Je pense qu'on peut zoomer sur la photo une petite seconde. Je vais voir si je peux. Est-ce que je peux? Non, j'arrive pas à lire. Tu le trouves-tu? Non, j'arrive pas à lire sur l'emballage. Vois-tu ça, toi? Non? Triste, non, je vois rien, moi, sur l'emballage. Nous, on a un focus sur un biscuit au chocolat fondant. Ça a l'air succulent. Miam! Je cherche encore, je cherche sur... Oui, je l'ai. Ça contient 1% d'alcool par volume. Oh! Ouais, ABV, 1%. 1%, c'est pas beaucoup. Et en passant, c'est pas noté sur l'emballage, c'est pour ça que je le trouvais pas. C'est le représentant des ventes de Nestlé qui l'a dit au blog onesecondscoop.com. Okay. Donc, après un petit peu de recherche, on a trouvé l'information, c'est bien. Cool. Ensuite, les Maltesers, vous connaissez les Maltesers? C'est des petites bulles de chocolat avec de la genre de... Je sais même pas comment appeler ça dedans. C'est comme un genre de malt à l'intérieur. Oui, c'est excellent, les Maltesers. Ah, ça ressemble un petit peu aux Cloud Hoppers, mais pas tout à fait. Donc, les Maltesers vont arriver aux États-Unis pour la première fois en 2017. Imagine, ils n'ont jamais pu goûter à des Maltesers. Ben, arrête-moi ça. Ouais. Les Maltesers, à la base, c'est britannique. Ils vont arriver donc aux États-Unis à partir du mois de janvier 2017. Donc, les balles de malt couvertes de chocolat sont similaires à des... Cloud Hoppers tantôt, c'est des Whoppers. C'est vrai. Whoppers. Ça me surprendrait que mon grand-père m'écoute à la radio, mais quand on était jeune puis qu'on allait chez mon grand-père avait tout le temps comme soit plein de bonbons, plein de chips, puis il y avait tout le temps des Maltesers. On dit chanceuse. C'est bon vieux temps. Miam. Là, on allait jouer aux pichenottes. Ah, wow. Avec des Maltesers. Ah oui, clairement. Ah. Donc, les Whoppers vont arriver comme compétition aux Whoppers, dont je viens juste de parler. Les Maltesers sont fabriqués par Mars, alors que c'est Hershey's qui fabrique les Whoppers. Les deux bonbons ont à peu près les mêmes ingrédients. Ils diffèrent en goût et en texture. On va pouvoir donc comparer aux États-Unis à partir du mois de janvier. C'est aussi disponible dans les cinémas depuis le mois de septembre aux États-Unis. Ça va être disponible dans plusieurs formats. Des formats individuels de 1,3 onces, des boîtes de cinéma en 3 onces, des sacs de 3,52 onces, des contenants de 14,5 onces et des contenants de 31,1 onces. Hmm. Je comprends jamais pourquoi il y a autant de formats dans ces affaires-là, mais bon. Ensuite, allons-y avec des céréales. Tu connais les biscuits Girl Scouts, on en parle souvent à l'émission. Ils ont des Thin Mints, des Caramel Crunch, des biscuits que comment t'appelles ça? Les scouts féminines? Oui, oui, les Jeannettes, Mathieu. Les Jeannettes, comme on veut. Ouais, mais c'est pas la même chose, mais ouais, à peu près. Ben, un scout, c'est un gars. Ouais. Puis les scouts filles, ce sont des Jeannettes. Est-ce que c'est la même chose aux États-Unis? J'ai aucune idée. Mais je pense que oui. OK, bon, on va dire les Jeannettes d'abord. Ils vont les sortir en céréales, c'est ce que ça veut dire. Oh, pour vrai? Oui, donc les Thin Mints, c'est avec des saveurs naturelles et artificielles, et les Caramel Crunch aussi. Donc pourquoi ne pas verser ça dans un film? T'as déjà vu le film Les Scouts de Beverly Hills? Non, pourquoi? Non. Hein? T'as jamais vu le film Les Scouts de Beverly Hills? Je savais même pas que ça existait. C'est un film où que ce sont justement des Jeannettes, puis ils s'en vont se perdre dans le bois. C'est comme un film de 1989. Ça a l'air niaiseux. Un peu. Non, c'est vraiment très bon. Est-ce qu'ils les appellent les Jeannettes? Je voulais devenir scout après ça, moi. Ils les appellent les Jeannettes dans le film, pour vrai? Me semble que oui, ce sont des Jeannettes dans le film. Eh bien, c'est vraiment là comme nom. Ça va sortir donc en janvier-février environ. Voilà. Ensuite, commençons avec les chips Saint Eric's, les chips les plus chers du monde. Oh! Uh-huh. Est-ce qu'il y a un marché pour ça? Tantôt, tu disais que tu n'achèterais jamais une chip dans un emballage. Ouais. C'est des chips super piquantes. La brasserie suédoise Saint Eric's semble croire qu'il y a un marché pour ça. Elle a donc créé la chip de pomme de terre la plus chère du monde pour accompagner leur bière. C'est quoi? Elle est faite de quoi? De patates. Un luxe qui se paie le prix fort à 11$ la chip, vendue uniquement par emballage de 5. Je cite, la brasserie Saint Eric's est l'une des meilleures microbrasseries de Suède et nous prenons un soin tout particulier à ce que nous intégrons dans notre bière. Et en même temps, nous avions le sentiment qu'il nous manquait quelque chose à manger du même rang. Une bière de luxe a besoin d'un snack de luxe et c'est pour ça que nous avons décidé de produire la chip la plus exclusive au monde. Nous sommes extrêmement fiers de vous présenter le résultat de si croustillant. Dans cette croustille, donc dans cet emballage, un écrin qu'on appelle conçu par Saint Eric, c'est seulement 5 croustilles faites à la main par un chef, avec des ingrédients tous nordiques, dont certains identiques à ceux qu'on peut retrouver dans la bière Saint Eric's Pale Ale. Pour les pommes de terre, elles proviennent de Amarnas et elles sont cultivées entièrement à la main. Un stock limité de 100 chips Saint Eric's a été mis en vente la semaine dernière et elles se sont toutes vendues presque instantanément, malgré le prix de 56$ la boîte, donc comme on disait tantôt, 11$ la croustille. Une deuxième vente devrait avoir lieu, mais aucune date n'a été communiquée. Oh. Et tu dégustes ça. C'est comme des Pringles, ceux-là. Tu les mets dans ta bouche puis tu les laisses fondre, c'est ça. Ça vaut la peine. Peut-être avec une bière, j'imagine que si les ingrédients sont les mêmes, tu dois vraiment avoir un enrobage. Ouais, c'est ça. Tu dois les déguster ensemble. Voilà. Ensuite, excuse-moi, je vais recommencer ça. C'est un koozie à bière. Donc, tu sais, pour tenir une bière dans ta main, pour la garder au froid, tu vas avoir des fois un petit truc que tu mets autour de ta bière. Oui. On appelle ça un koozie. Maintenant, c'est un koozie pour la bière, mais fait à partir de pizza. Le Pizza Beer Koozie. C'est le YouTuber The Vulgar Chef, qui s'appelle aussi Kyle. Et puis, il y a des instructions dans la vidéo pour fabriquer votre propre koozie en pizza. Pourquoi ne pas l'essayer? C'est un épisode complet de sa série web The Vulgar Chef. Et c'est même croustillant. T'as comme un genre de... La pâte devient quand même assez, assez croustillante, assez brunâtre. Et là, tu tiens ta bière, j'imagine, au chaud. Sûrement, c'est bizarre. Ou ta pizza au froid. Moi, je juge, je ne oui, bois de la Pabst. J'avoue, hein. On peut pas t'avoir. Non, c'est vrai. Savais-tu que les Skittles dans de l'eau tiède vont faire un petit... des couleurs arc-en-ciel? Ben... Apparemment. Ça a été partagé sur Facebook, apparemment que toutes les matantes du monde l'ont partagé. J'avais pas encore... Non, mais c'est vrai, j'avais pas encore vu. Donc, une vidéo toutes qui... Toutes les matantes du monde, c'est méchant. Salutations à toutes les matantes qui l'ont... Ben oui, mais je suis mon oncle moi-même, fait que je m'inclus là-dedans, c'est sûr. C'est la réalité, c'est la réalité. Bref, les mêmes qui envoient des vidéos de chats, là. Moi, je fais la même affaire sur Facebook, tu l'as vu, je passe des photos de chats tout le temps. Bref, une démonstration vidéo de Skittles dans de l'eau tiède, une expérience à performer avec vos enfants, nous dit-on, seulement sous la supervision des parents, parce que quand même, sinon, les bonbons vont tous partir dans la bouche des jeunes. Même moi, je ferais ça. Hein, David? David aussi. Les Skittles, tu laisses pas ça sans supervision. Ben, je suis pas un tripeux de Skittles. Non! Non! Hein, pour vrai? J'aime plus tout ce qui est plus pâtisserie, chocolat que... Mais ben, mettons, j'aime dans, ça. Dans les bonbons, est-ce que t'aimes les Jelly Beans, les Smarties? Ben, ouais, c'est ça, les... en fait, Smarties, parce qu'il y a du chocolat dedans. Ben oui, c'est ça. Les Skittles, c'est comme la... Finalement, tu tripes sur le chocolat. Ouais. Ouais, il paraît que c'est mon signe astrologique qui me dit ça. Chocolat. Et à chaque fois qu'on on parle de mon signe astrologique, vous, les balances, vous êtes des amoureux, des passionnés. Le chocolat, ça va avec vous, vous êtes des gens cochons. Non! Bref, allez voir la vidéo si vous le voulez sur la page de votre bartende préférée sur Facebook. Sinon, sur assemblagerequis.com. Le diable de Tasmanie produit du lait, et le lait du diable de Tasmanie pourrait aider à combattre une bactérie qui résiste aux médicaments. Mmh. Ouais. De plus en plus de gens utilisent des antibiotiques pour combattre les infections, et il y a certaines bactéries qui deviennent plus difficiles à battre. Un outil dans le futur pour les aider avec tout ça, c'est d'une source inhabituelle qui serait donc le diable de Tasmanie. C'est Gizmodo qui dit que le lait de ces marsupiens, qu'on dit? Oui. Contient donc quelque chose de chimique qui peut enlever des infections par bactéries, qui serait donc dangereuse. Pour leur recherche, dans une étude récente de Scientific Reports, les scientifiques de l'Université de Sydney ont analysé le lait du diable de Tasmanie dans leur recherche pour trouver donc quelque chose pour combattre ces bactéries-là. Et le lait des diables de Tasmanie diffère des autres mammifères parce qu'il a ce qu'il faut pour nourrir un enfant qui n'est pas qui est sous-développé, voilà. Donc leurs enfants entrent dans leur poche après un mois de gestation, et le lait de la mère offre un support immunitaire additionnel pour qu'ils soient plus en santé quand ils sortent de la poche de leur mère, voilà. Ah ouais. Donc la recherche nous apprend que tout ça est responsable, tout ce qui est responsable pour ça, c'est une propriété spéciale du lait qui contient des peptides antimicrobiens. Il y en a 6 qui s'appellent des catélicidines. Par comparaison, les humains en ont seulement un seul. OK. Ouais. Et les chercheurs ont trouvé que c'était efficace contre des bactéries mortelles comme l'Entorococcus fecalis, ben, oui. Et le Staphylococcus aureus. Bref. Staphylococcus, finalement. Staphylococcus, exactement. Exactement. Mm. Donc, ça dit que ça pourrait être bon pour des menaces que le monde doit affronter en ce moment. Voilà. Mm. C'est pas le seul marsupien, d'ailleurs, qui pourrait être utile pour combattre ça. Les wallabies et les opossums ont aussi des trucs chimiques dans leur lait. Et pour terminer, apparemment qu'on enlève le bon goût de la tomate dans la vie. La plupart des gens donc connaissent le goût acide de la tomate dans leur sandwich ou peu importe, mais on dit qu'on les garde pas correctement. On les conserve pas correctement. On dit que c'est possible qu'on ait jamais goûté la tomate à son plein potentiel. Mmh. C'est selon une étude dans Proceedings of the National Academy of Sciences qui nous dit que les tomates qui vont directement au froid vont changer au niveau génétique et ça va altérer leur goût. Mais tu mets jamais ça dans le frigo, une tomate? Moi, j'ai toujours mis ça au frigidaire. J'ai toujours vu les gens mettre ça au frigidaire. Ça dépend si elle vient du jardin. C'est ça, ma grand-mère mettait ça dans une assiette. Sur le bord de la fenêtre. En deux. Ouais, c'est ça, sur le bord de la fenêtre. Pas en deux. Ben, une fois que tu commençais à la manger, tu faisais en deux, puis elle mettait... Je connais ta grand-mère à ce soir, ça te met un junk en deux sur le bord de la fenêtre. Ça va avoir des mouches. Non, c'est ça. Quoi, est-ce que t'as mieux à suggérer comme conseil, David? Ben, en fait, quand tu mets la tomate dans le frigo, ce qui arrive, c'est que la tomate risque de prendre l'humidité du frigo, puis quand t'en sors, ça va devenir tout... La texture va pas être très beau. Ouais. Puis aussi, ça sera pas aussi goûteux. Donc, l'étude nous parle justement, c'est ça, de différentes sortes de tomates et la différence au niveau moléculaire après avoir été mis à 41 degrés Celsius pendant... 41 degrés Fahrenheit, pardon, pendant 1, 3 ou 7 journées. Et ensuite, on les a ressortis pour les mettre à 68 degrés Fahrenheit, la température pièce. Les tomates allaient bien encore après 1 ou 2 journées dans cet environnement froid, mais après 7 jours, la saveur s'en allait grâce à un nombre réduit de RNA. Donc, c'est des trucs de gènes associés à la tomate. Les sucres et les acides ont tendance à rester pareils, mais le goût, lui, diffère. Ça dit que c'est possible qu'un jour, on va pouvoir changer ces tomates-là pour qu'elles ne soient plus affectées par la température froide. On espère pouvoir faire ça un jour, mais pour l'instant, c'est mieux de préserver, de les mettre à la température pièce pendant jusqu'à une semaine. Fait que là, libérons la tomate, c'est ce que tu es en train de dire. Libérons la tomate, hashtag libérons la tomate. C'est ça, OK. Voilà, c'est tout pour une grosse pointe d'adresse. Les liens sont sur assemblagerequis.com. On a fait quand même une bonne vingtaine et plus d'articles aujourd'hui. Merci David pour ta participation. Merci de m'avoir invité. Ça me fait plaisir. Merci aussi à Alex Marchand qui a participé un petit peu plus tôt. Merci. Enfin, on va finir l'émission ici et on va dire merci aux autres chroniqueurs qui ont participé à l'émission d'aujourd'hui. En fait, non, il y a juste Alex Marchand. Donc, oui, c'est ça. Marchand, c'est comme qui ça? Fait, le gars, il passe sans trop checker qu'est-ce qu'il y a à dire avant. Lundi, à l'émission, qu'est-ce qu'on a? On va être le 31 octobre? Oui, l'Halloween! Oui, on va pouvoir parler avec Valérie Deschamps de son truc de culture du viol qui a lieu mardi qui s'en vient. Ça va être juste avant. Ensuite, à 8h, à la Sania Couilly, qui, elle, va passer bientôt aux deux semaines à la place d'être aux semaines. Donc, on va vérifier si elle va être avec nous lundi qui s'en vient. Mm-hmm. Peut-être qu'on va passer à l'autre lundi d'après. Et à 8h30, tu vas nous faire sport et filocher dans l'émission de lundi. Sur nos ondes plus tard aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a bien sûr Génie en liberté à partir de 9h30 avec Samuel Gérard et Stéphanie Rompré-Lanouette. Ensuite, à midi, la reprise du Mathieu Plante Show et Mathieu Plante. On est en rediffusion toute la journée. En fait, à 15h, c'est la sortie de Côte à votre gauche. À 16h, Radio Sonic. 18h, le Trotteur. Ensuite, on revient en direct à 19h pour Très Blues Assez Fou avec Denis Baudin. Exactement. Okay. CIF.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions. On se quitte avec une dernière pièce, Tania. On se regarde ça. Qu'est-ce qu'on a envie d'entendre? J'avais dit tantôt que j'avais envie d'entendre Fudge parce qu'on a mangé des pâtes d'ours enrobées de granola, de chocolat et de caramel et de peu importe. 4 pouces en l'air, en bas. Mets-les pas en l'air, Mathieu. Je sais. J'espère vraiment que la toune est plus savoureuse. J'espère aussi, parce que, en tout cas... Elle s'appelle Lazare, on se quitte là-dessus. Et Génie en liberté s'en vient dans quelques instants. On se retrouve lundi à 6h30. Bye! Bon café! Bye-bye!